Tous les deux jours. Pas mal. Et voici le bot enregistreur qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour, Craig. C'est son jumeau maléfique, Jark, qui lui n'arrive pas en hurlant. Ah oui. Now recording. Now recording. Voilà. Ok. Alors. Fiche de perso. Ok. Déjà, avant toute chose, je vous fais à vous, mes joueurs, un petit résumé. Parce que j'ai, en réécoutant, effectivement, je me suis dit que ça valait le coup de refaire un petit résumé. Et toi, pour toi, Doc, de te remettre un petit peu dans le contexte. Yes. Donc, si ça te va, on fait ça. Si ça va à Riley, on fait ça. Ça me va. Ok. Donc, New York, la société appliquée reçoit un télégramme d'un de ses membres disant « J'ai besoin d'avoir des gens à New York. J'arrive d'un tour du monde. J'ai des informations explosives sur l'expédition Carlyle, venez vite. » Signé Jackson Elias. On va commencer par l'expédition Carlyle. Qu'est-ce que l'expédition Carlyle ? L'expédition Carlyle, c'est une expédition menée par un millionnaire excentrique appelé Roger Carlyle, qui s'est amouraché d'une personne un peu étrange, une jeune noire, et qui, du coup, on le pense, sur ses indications et sur son impulsion, voilà, aurait organisé une expédition qui allait l'amener en Égypte. Donc il avait commencé à discuter de trucs un peu ésotériques, bizarres et tout ça. Il avait commencé à embarquer d'autres personnes avec lui, notamment son psy, une de ses ex, le fameux sire Aubrey Peignou, dont vous connaissez la fondation, et ils ont mis au point une expédition. Expédition qui est donc passée à Londres, chercher Sir Aubrey à sa fondation. Ils sont restés une petite semaine, ils sont partis ensuite au Caire. Arrivés au Caire, ils se sont baladés, faire les pyramides, etc. Puis, pour raison X ou Y, on ne sait pas trop, sont partis au Kenya. Donc là, arrivés au Kenya, on perd un peu la trace de l'expédition, et ce qui se passe, en fait, c'est que, bah, malheureusement, l'expédition... l'expédition, malheureusement, est retrouvée morte. Enfin, il y a eu comme une sorte de massacre où on a retrouvé effectivement des corps au Kenya massacrés par une tribu du coin et ce genre de choses. Et on pense que donc toutes les personnes de l'expédition, donc Roger Carlyle, son garde du corps, son psy, son ex, la fameuse nana dont il s'était entiché, Sir Aubrey Peignou et les autres, sont donc morts là-bas. Ça, c'est les années 1919-1920. Ensuite, donc 1920, le massacre, la sœur de Roger Carlyle, donc Erica Carlyle, hérite de la fortune, cherche à savoir ce qui est réellement advenu de son frère et de son expédition, et donc met en place ses propres expéditions pour aller voir. Donc, sur l'année 1920, en fait, on a plusieurs déplacements d'Erica Carlyle qui va voir ce qui s'est passé, qui essaye de trouver des traces de son frère, etc., et qui, au final, finit par avoir gain de cause auprès des tribunaux, et les tribunaux déclarent quelques années après la mort, effectivement, officielle de Roger Carlyle. Donc voilà où on en est. Vous êtes en 1925, donc quelques années après, quand tout d'un coup, effectivement, Elias Jackson envoie ce télégraphe à la Société d'exploration inexpliquée, qui dépêche ses agents sur place à aller le rencontrer. Donc ils vont le rencontrer à son hôtel, comme il l'a demandé. Arrivés à l'hôtel, ils sont devant la porte, ils entendent des bruits bizarres, et là, ils s'aperçoivent que Jackson Elias vient de se faire assassiner. On lui a laissé une marque bizarre sur le front. Il a été découpé avec une épée particulièrement étrange, et ses agresseurs ont fouillé toute la chambre, ont pris des choses et se barrent. Sauf un qui s'est fait alpaguer par nos charmants investigateurs. De là s'ensuit toute une série de recherches, d'enquêtes pour savoir déjà qui a tué Jackson Elias, pourquoi on a tué Jackson Elias et où sont passés les différents documents et les fameuses notes révélatrices explosives sur l'expédition Carlyle. En creusant un peu, nos investigateurs arrivent à trouver qui a tué Jackson Elias. Donc il s'agirait en fait de membres appartenant à une secte kenyane qui s'appelle la langue sanglante, qui aurait décidé de faire taire Jackson Elias. Il trouve effectivement des informations sur le fait que cette secte implantée aux États-Unis aussi communique avec d'autres personnes, et notamment d'autres personnes un petit peu à gauche, à droite. Il retrouve des informations détenues par Jackson Elias qui disaient que pour lui, en fait, les membres de l'expédition Carlyle n'étaient absolument pas morts et qu'ils préparaient quelque chose d'énorme. Et ils se sont aperçus effectivement que c'est cette secte étrange, non seulement avait des contacts avec plein d'autres gens un petit peu à travers le monde, mais surtout faisait des trucs plutôt horribles et plutôt, plutôt étranges, et notamment tapait beaucoup dans le surnaturel, puisqu'ils ont pu, comme te l'avait dit Elsa, se confronter à des sortes de zombies, et puis surtout, ils ont affronté une sorte de créature qui vivait dans le fond d'un puits, au fin fond d'une boutique tenue par un vieil homme. Donc, suite à ça, ils ont mené leurs propres recherches, ils ont contacté Erika Carlight et fouillé les lieux en se faisant passer pour des serveurs pour essayer de retrouver les anciennes affaires de Roger Carlight, affaires qu'ils ont retrouvées, non pas dans le coffre-fort, mais parce qu'un des serviteurs les avait embarqués dans une de ses chambres. Ils ont aussi fait un saut à Arkham, puisque une des notes de Jackson Elias indiquait un certain professeur Coles, qui est l'ami de Percival et qui, pour le coup, ne se trouvait pas en Australie, là où il est professeur, mais bien à Arkham, parce qu'il a été invité un semestre à l'université Miskatonic en tant que professeur honoraire pour ça. Donc, ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que le professeur Coles avait été enlevé, ils ont réussi à le libérer, ils n'ont jamais compris pourquoi il avait été enlevé, ils n'ont jamais cherché non plus d'ailleurs, ce genre de choses. En parallèle de ça, il y a eu plusieurs petites histoires autour du passé des personnages et de leur hobby personnel, notamment autour de Percival et de ses hobbies un peu étranges. Oui. Voilà. Donc, arrivé à tout ça, l'équipe d'investigateurs possède un certain nombre d'indices qu'ils ont partagés. Hein, ils possèdent aussi un certain nombre d'ouvrages qui étaient détenus par soit par Roger Carlyle, soit par le professeur Coles à Arkham. Et ils ont décidé, du coup, d'essayer de comprendre non pas qui avait assassiné Elias Jackson, mais Jackson Elias, mais pourquoi on l'avait assassiné, et ils ont décidé d'essayer de se mettre à la recherche justement de ces différentes informations, parce qu'ils ont quand même vu que ces sectes et ces cultes pouvaient être particulièrement dangereux et notamment semblaient vouloir à l'humanité tout entière. Okay, très bien. Riley, si tu as d'autres choses à rajouter ? Ben non, non. C'était très complet, je crois. Hein. Voilà. Doc, est-ce que ça te redonne un petit peu de contexte ? Est-ce que ça te redonne un petit peu les choses ? Et donc, est-ce que tu vois un petit peu mieux où ton personnage Charlie a mis les pieds ? Oui, ça va se redévelopper au fur et à mesure que le personnage va s'intégrer dans l'histoire. Mais de toute façon, je pense que tu t'es bien intégré dans l'histoire, puisque pour résumer la dernière partie, donc vous êtes arrivé à... Alors, les joueurs sont arrivés à Londres, ont fait quelques petites choses, mais ont commencé à fouiller pour trouver des pistes. Ils ont trouvé pas mal de pistes pour savoir où ils allaient. Ils ont commencé à lire certains ouvrages et ils ont obtenu d'autres indices, notamment sur une secte qui s'appellerait la secte du pharaon noir, qui aurait une arme bizarre, un gourdin avec un pieu qui leur permettrait de casser les membres des sacrifiés avant de leur planter le pieu dans le cœur, ce genre de choses. Ils se sont renseignés un petit peu sur ce qui se passait à Londres. Ils ont essayé de trouver des pistes sur où était passé Jackson Elias. Et comme ils avaient eu aussi la carte de la fondation Penhew dans les différentes affaires de Jackson Elias qu'ils avaient pu sauver, ils ont dit qu'ils allaient aussi aller voir de ce côté-là. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, donc tu es intervenu et tu as fait avec Elsa un petit peu le tour de ces pistes. Vous êtes allé donc au Scoop rencontrer un certain Mickey Mahoney qui, a priori, connaissait bien Jackson Elias, ce dernier lui ayant promis des articles sensationnels sur une secte millénaire qui sévirait à Londres. Okay. Donc ouais. Voilà, vous avez fouillé dans les archives, vous avez trouvé la liste des différentes personnes non, c'est pas là que vous avez trouvé la liste que vous avez des différentes personnes, mais vous avez trouvé différentes choses, notamment des articles sur des massacres, sur des peintres, sur des massacres qui avaient lieu aussi en dehors de Londres. Pour le moment, vous avez plutôt suivi la piste des massacres à l'intérieur de Londres, appelé meurtre égyptien par la presse, qui vous a emmené au commissariat, où vous avez rencontré l'inspecteur Parrington, qui est en charge de cette enquête. Celui-ci vous dit donc que ça fait plus d'un an qu'il est dessus parce que son prédécesseur en fait a disparu. Donc il vous a filé quelques pistes en attendant que vous lui renvoyiez l'ascenseur, bien sûr, parce que il se dit que peut-être que les gens vont plus vous parler à vous qu'il n'est pas des policiers. Donc il compte sur nous, pas de problème, Barrington. Il vous a donné la liste des différents membres, des différentes personnes qui sont morts et qui font partie de cette liste des meurtres égyptiens. Elle vous a dit qu'une partie de ses victimes traînait dans un club qui s'appelait la Pyramide Bleue. Elle vous a parlé effectivement à la fois de Gavigan, le directeur de la Fondation Peignou, et de Toufik Al-Sayed, un marchand d'épices, mais qui a servi de guide à la Fondation Peignou, étant égyptien lui-même. Il vous a dit qu'il avait eu la visite de Jackson Elias, mais que ce dernier avait été refoulé un petit peu, puisque Gavigan et Toufik avaient dit que ce qu'il racontait n'existait pas, était sans doute des délires, et que ce personnage avait déjà écrit plusieurs livres sulfureux et souhaitait sans doute se faire mousser. Donc là-dessus, vous êtes parti un petit peu voir Toufik. Oui. Vous avez commencé à faire fouiller dans sa boutique et vous lui avez posé plusieurs questions en disant que vous veniez de la part de la Fondation Peignou, que vous étiez en contact avec Gavigan, que certains membres de la Fondation Peignou avaient été tués dans le cadre de ces mystérieux meurtres égyptiens, que bien sûr la secte du pharaon noir était sans doute impliquée et que... On a dit tout ça ? Ah oui, ah oui, oui, oui. oui. On a dit tout ça. Et qu'en plus, vous aviez entendu parler d'un certain Jackson Elias. Ah. Elsa, donc, sur une réussite exceptionnelle, puisque c'était une réussite critique, je crois bien, mm-hmm. ou extrême en tout cas, en psychologie, a vu que tout ça faisait un peu tiquer Toufik. Et tu as bien fait de faire ce jet, parce que en vrai, tu n'aurais peut-être pas pu le voir. Okay. Suite à ça, vous avez attendu qu'il ferme boutique en vous disant on va le suivre à la fin. Manque de bol, il vit au-dessus de la boutique et vous n'avez pas pu le suivre. Donc, vous êtes parti à la Pyramide Bleue, vous avez commencé à flirter, baratiner avec un... Ah oui, c'est vrai. D'anglais du cru. Vous n'avez pas obtenu beaucoup plus d'informations que le fait que Toufik et Gavigan viennent de temps en temps à la Pyramide Bleue, que de temps en temps ils boivent un coup ensemble, mais sans plus, et que généralement ils sont chacun dans leur table et ils font chacun leur truc. Vous avez attendu la fermeture pour partir. En partant, vous êtes tombé dans une espèce de brume du smog londonien. Vous êtes fait agresser par quelque chose qui vous a coûté pas mal de points de vie et de santé mentale, jusqu'à ce que sur une inspiration quasi divine, Elsa sorte son appareil photo, mette un grand coup de flash et fasse fuir la chose. Oui, vous en avez profité pour courir au Savoy, où un message vous attendait de la part de l'inspecteur Barillon, disant que vos amis étaient encore interrogés par les douanes. Oui. Voilà à peu près où on en était. Ok, c'est très bien. Merci pour le résumé. Ouais. Non, tout est clair. J'ai tout pigé, ça y est. Je connais donc la fin de l'histoire. Ouais, exactement. Exactement. Eh bien, écoutez, je vais donc lancer le bonjour, bienvenue et vous présenter. Vous demandez de présenter vos personnages en une ligne et la petite musique d'intro. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Masques de Nyarlathotep sur la JDR Academy. Ce soir, je suis avec Riley. Bonsoir. Riley, tu joues Elsa Kastner. Peux-tu nous dire deux mots sur ton personnage ? Elsa Kastner, une jeune femme de 25 ans, journaliste spécialisée dans la photographie et dans la presse à scandale. Voilà, je suis surtout une fille à papa, puisque mon papa il possède plein de journaux, il est très connu à New York. Donc je profite de sa notoriété et de son argent. Parfait, et je suis aussi avec Doc de la table des rencontres. Tu joues Charlie Bradbury. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Charlie Bradbury, c'est un jeune Amérindien de 21 ans, étudiant en archéologie à l'université de Miskatonic, qui a été envoyé faire quelques recherches à Londres pour son mémoire, dirons-nous. C'est un jeune homme un petit peu timide, la tête plongée dans les études, et cette première expérience, elle l'a un petit peu chamboulé. Il ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi rythmé dès le début, mais il est là. Effectivement, parce que vous êtes à Londres et que vous avez commencé à fouiner un petit peu à la recherche des différents endroits où serait passé Jackson Elias et où on aurait entendu parler de l'expédition Carlyle. Donc vous avez suivi notamment la piste des fameux meurtres égyptiens qui se passent actuellement à Londres, depuis plusieurs années même en fait. Et vous avez eu quelques petites mésaventures. On a cru comprendre que, d'une part, vous avez peut-être fâché de mauvaises personnes. Vous avez, en tout cas, subi les assauts de choses étranges dans le smog londonien. Et on a l'impression que, lors de la dernière partie, quelque chose entre Elsa et Charlie avait déjà eu lieu. Peut-être un passé commun. Peut-être qu'on va en apprendre plus ce soir. Allez savoir. En tout cas, nous sommes de nouveau à Londres, en plein milieu de la nuit à l'hôtel Savoy, qui est tout éclairé, protégé de la brume. Et vous venez donc de lire ce petit mot de lieutenant Barrington qui vous dit que vos amis sont toujours à la douane. Que faites-vous ? On recommence direct. Ok. On va se coucher. On recommence direct parce que la nuit n'est pas finie. Oui, la nuit n'est pas finie, mais bon, attends, il faut qu'on se repose peut-être là. Ouais, j'aimerais bien prendre un verre, histoire de me calmer un peu. Ah, Charlie, c'est une bonne idée. Bah, je vous accompagne, tiens. Bah, très bien, allons-y. Il peut y avoir un lounge ou un bar dans l'hôtel. Un des plus prestigieux hôtels de Londres, il y a un lounge bar et vous pouvez même demander un service d'étage, vu que vous possédez, pour un temps du moins, la plus grande suite de l'hôtel. Merci à votre ami... Percival, qui en plus vous laisse absolument l'intégralité de la suite, vu qu'il dort dans une cellule à la douane. Ouais. ça lui fera les pieds d'amener des armes. On avait dit pas d'armes et ils m'ont pas écouté. Bon, bah voilà. Bah, prenons un verre, Charlie, c'est une bonne idée. Ouais, un double whisky bien tassé. Ouais, double, carrément. Non, moi, juste un simple. Ouais. Charlie, il a besoin de boire là, après ce soir. On vous sert un excellent whisky écossais, pour le coup. Vous pouvez boire tranquillement, alors soit au lounge, soit dans votre chambre. Dites-moi ce que vous préférez. Oh, au bar, c'est bien. Ouais, au bar, ouais. Bien. Et je peux parler un petit peu à Charlie ? Je te demande si t'as ce qui s'est passé dans la brume, là. T'as déjà vécu quelque chose comme ça ou... Jamais, j'ai jamais vu ça. À New York, je t'ai déjà dit, on a vu des... C'était pas exactement pareil, mais c'était surnaturel, tu vois. Non, je jamais vu. Je sais pas ce que c'est que ce truc et je suis pas pressé de retourner dehors. Hein. Non, mais ouais, je suis d'accord, on retournera dehors demain. On retournera dehors demain. Ouais, en plein soleil. Surtout que vous pouvez voir maintenant à la lumière des torches, là où les tentacules de brume ont touché Charlie, et toi aussi, Elsa, je crois que tu as été plus ou moins attrapé. En fait, vous avez des espèces de traces comme si la peau était légèrement livide, légèrement décolorée. Et toi, Charlie, c'est encore plus voyant puisque les tentacules, je te rappelle, ont commencé à te farfouiller le nez pour essayer de remonter jusqu'au cerveau. Et tu sentais la froid glacée de ces tentacules se répandre dans ta tête. Donc, tu as la tête livide, carrément. Ouais, là, c'est... Tu as des traces. Okay. Ça va aller, Charlie, là, vous m'inquiétez. Ça va. Je fais signe au serveur de reprendre un deuxième. Whisky parce que je suis en train de finir le premier. On n'est pas la société de l'exploration de l'inexpliqué pour rien. Ouais. Faut s'attendre à ce genre de choses avec cette affaire. Hein. Oui. Alors, on m'avait prévenu que certaines choses pouvaient être un peu particulières, mais j'avoue que me faire triturer le cerveau par des tentacules de brume, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais pour une première fois sur le terrain. Quoi. Je crois qu'il faut qu'on soit plus prudent demain. Oui, ça me paraît nécessaire. Et puis, j'ai l'impression qu'on a un peu énervé les mauvaises personnes ce soir. C'est ça, oui. Les choses qui se sont passées à New York se reproduisent un peu ici. Hein. Vous savez quoi, Charlie, ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. C'est vrai. Si on énerve des gens, c'est qu'on touche du doigt, ça ne pas. Voilà, et puis, on savoir ce qu'on a touché du doigt. On serre les coudes à deux, là, et puis bientôt, on sera rejoints. Les autres, ils vont finir par sortir de prison. Percival, il connaît plein de gens. Oui, j'espère, effectivement. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Okay, je tends le doigt pour un autre verre. Hein. Voilà, pardon. On vous sert avec diligence les différents verres que vous demandez sans aucun problème. Je regarde dans mes poches pour payer. Et, sors, il y a les papillons qui sortent. Charlie, non, c'est bon, je vais régler. Moi. Bah, c'est sur la chambre, de toute façon. Ah bah voilà, bon bah c'est Percival qui paye, c'est parfait ça. Bah, tant mieux. Okay, bah, on peut se prendre la bouteille pour la chambre, Charlie, tiens. Bonne idée, très bonne idée. Très très bonne idée, je valide. On prend toute la bouteille en fait, on dit ça au serveur. D'accord, pas de souci. Je trébuche légèrement, c'est mon talon se tord et je tombe un peu sur Charlie, quoi. Je rattrape par le coup. Le serveur te propose de te faire monter la bouteille après, ou vous pouvez la prendre tout de suite si vous voulez, ou il peut vous faire monter une bouteille non entamée, si vous préférez. Oh bah les deux, on va prendre celle-là et puis qu'il nous fasse monter une bouteille non entamée. Puis alors là, Charlie, avec Elsa qui vient de se jeter à son cou, il devient rouge pivoine. Vous allez bien ? Vous n'êtes pas fait mal ? Oui, pardon, c'est les talons. À ce soir-là, j'ai vraiment du mal. Oui, je comprends. Courir en talons sur les pavés de Londres, je vous raconte pas la guerre. Oui, peut-être que tenue plus appropriée pour la suite. Ton petit Charlie, non ? Pardon ? Bah, on va boire dans la chambre. Ah oui, bien sûr. Oui. On va boire dans la chambre. Je prends la bouteille et tout gêné, je prends les deux. D'accord. Donc vous montez tout en haut dans la plus grande suite avec la bouteille et on vous fera livrer une deuxième bouteille. Une fois dans la chambre. Charlie, je te prends en photo, d'accord ? Dans le couloir là, de l'hôtel. Avec les yeux, les grosses cernes sous les yeux, les pommettes toutes rouges, une bouteille d'alcool à la main et surpris, tu sais, par le flash. Ah, mais vous avez une tête, tête originale, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien. Une tête originale. Mais oui, je suis sûr. Je vous ai déjà dit, je suis sûr de vous avoir déjà vu en fait. Vraiment ? Ah, je crois que notre chambre est par là. Oui, je suis. Très bien. Hop, j'essaye de pas trop tomber quand je titube. Parfait. Bah, vous arrivez à la chambre hein, sans aucun problème. Faites-vous quelque chose de particulier. On boit. Bah, on prend un dernier verre. Ouais. Et ça, Charlie, t'aimes bien la lecture ? Parce qu'on a plein de bouquins à lire. Oui. Bah, c'est un peu mon métier finalement de lire. Ah, parce que peut-être ça pourrait nous aider parce que là, bon, je te cache pas que Ralphie est super super sympa, tu vas voir. Il a lu un bouquin et il est devenu tout blanc, mais bon. Ah bon, quel bouquin? Ouais, bah, et puis moi j'ai lu un truc sur les cultes africains, je te raconte pas le massacre. C'est des bouquins, c'est dur, faut s'accrocher hein. Ah ouais, je serais quand même curieux de les lire. Ça a l'air d'être en rapport avec ce qu'on a vu ce soir. Bah oui, attends, est-ce qu'on a ça dans les affaires, maître du jeu, je fouille. Bien écoute, oui, je pense que les livres sont restés à l'hôtel. Donc vous avez un livre qui s'appelle Culte secret d'Afrique. Livre qui semble être un journal de voyage qui s'appelle La vie d'un dieu. Ça, il l'a lu aussi, je crois, Ralph. Un livre qui semble être un recueil de poèmes qui s'appelle Le peuple du monolithe. Ouais. Ça, on l'a pas lu. Un ouvrage qui s'appelle Manuscrit Pnakotique et un texte en français qui s'appelle Passage choisi du livre d'Yvon. Ok, je sais plus qui a lu. Je crois que Percival, il a lu les Yvon, non ? Je sais plus. Excuse-moi. Alors. Pardon, peut-être. Ou alors, tu peux lire n'importe lequel. La vie d'un dieu, c'est Ralph qui avait commencé à lire. Moi, j'ai lu les Cultes secrets d'Afrique. Cultes secrets d'Afrique, c'est effectivement toi. Un voyage. Et Percival, voilà, tout à fait. La vie d'Yvon. C'est ça. Okay. Et quel est le livre qui a fait blêmir ce Charal ? La vie d'un dieu. La vie d'un dieu. Non, mais t'as qu'à en lire un autre, Charlie, c'est plus rigolo. Oui, bien sûr. Je vais. Fanacotique ou le peuple du monolithe ? Eh bien, le peuple du monolithe me paraît assez intéressant. Allez, parfait. Bah, je sors bourré, tu vois, je me lève un petit peu, je me penche bien pour qu'il voit bien mes fesses et je récupère le livre et je lui donne. J'ai un petit moment de latence où je reste fixé sur tes fesses et puis je me reprends mes esprits. Ok, bah je lui balance le bouquin. Merci. Ok. Bah, faut pas dire ça, peut-être. Faut être un peu âgé, je pense. Quand même. Bon. Oui, pour ce soir, ça me paraît un peu compliqué, mais. Ok. Mais quand j'aurai un peu de temps, avec plaisir. Ouais. Ok, bon, bah. Je crois que j'allais me coucher, hein, non ? C'est peut-être plus sage, non ? Ça me paraît être une très bonne idée, oui. Ok, bah je vais me coucher alors. J'enlève mes chaussures que je n'avais pas enlevées finalement et je les lance sur Charlie et je vais me coucher. D'accord, ok, pas de soucis. Charlie, fais-tu autre chose ? Je m'assois 2 minutes et je commence à feuilleter le livre. Alors, tu commences à feuilleter le livre, qu'est-ce que je peux t'en dire ? Donc, ça semble être un recueil de poèmes anglais qui doit faire 10 cm par 17 cm, écrit par un certain Justin Geoffrey. Le cuir semble étrange, mais okay. Je ne saurais pas dire d'où il vient. Ah, d'accord. Je suppose que tu n'as absolument, pour l'instant, absolument aucun score en mythe de Cthulhu. En mythe de Cthulhu, non, j'en ai rien du occultisme. Un peu, mais en mythe de Cthulhu, en fait, tu peux commencer à faire une lecture un peu rapide. Ouais, je survole le temps de finir mon verre et voilà, de laisser la pression un peu retomber. Je te cache pas que moi, au bout de 15 parties, j'ai que 8% en mythe de Cthulhu, donc ça monte doucement. Okay, donc toi, tu commences à bouquiner. En fait, ceci. Elsa, toi, tu es rentrée dans ta chambre, je suppose. Oui, et tu t'endors. À moitié habillé. Ok, écoute, je vais demander donc à Charlie un petit jet d'écouter. Un petit jet d'écouter. Et Elsa, un petit jet d'écouter, mais à moins, avec 2 désavantages. Oh putain. Donc la ligne moins 2. Okay. Une réussite ordinaire. C'est un échec. C'est un échec pour Elsa. Mais Charlie, toi, tu entends effectivement qu'on toque à la porte. Ok, je vais ouvrir. Tu vois un homme en costume d'une cinquantaine d'années qui est bien habillé, qui a l'air d'avoir un port de tête assez altier et qui tient la bouteille de whisky dans ses mains et vous fait Monsieur, vous aviez demandé une bouteille de whisky, je crois bien. Oui, je me retourne, je vois qu'Elsa est partie se coucher. Bah écoutez, merci, merci monsieur. Alors je que tu te retournes vers l'homme, tu t'aperçois qu'il a un revolver dans la main. D'accord. Que fais-tu ? Tu as 3 secondes pour réagir. Je claque la porte, je lui claque la porte au nez et je me jette derrière le canapé. D'accord. Donne-moi ton score de dextérité. Mon score de dextérité est de 50. Comme lui. Donc, alors que la porte claque, l'homme avance sa main, la porte claque sur sa main, là, un coup de feu part. Ok. Que fais-tu ? Elsa, tu as le droit à un jet d'écouter, sans malus. Okay, je suis nul en écouter, Jean. Ok. Et est-ce que j'ai eu le temps de récupérer la bouteille ou pas ? Non, il y a peu de chance. D'accord. 10 sur 20. D'accord. Pensez bien à cocher les compétences que vous avez réussies. Tout à fait. Donc, Elsa, le coup de feu te réveille en sursaut. Oui, ok. Charlie, tu n'as pas pu récupérer la bouteille, malheureusement. D'accord. Puisqu'elle était dans l'autre main de la personne. Que fais-tu, du coup ? Alors, du coup, il a sa main qui est coincée avec le pistolet dans l'embrasure de la porte. Oui, mais enfin... Disons que la porte a claqué sur sa main, le coup de feu est parti, mais il a retiré sa main, du coup. Oui. Il a retiré sa main, donc la porte est de nouveau fermée. Oui, tu peux foncer, claquer la porte et la verrouiller si tu le souhaites. Ouais, c'est ce que je vais faire. D'accord. Je vais faire dans l'urgence, pas le meilleur choix. Mais... Alors, je vais te demander un jet de force. Pas du tout. Je vais te demander un jet de chance, du coup. Un jet de chance ? Ah, oui. Oui. Puisque lui, voyant que tu claques la porte, va essayer de tirer à travers la porte. Ça va, je fais 21 sur 35. C'est une réussite ordinaire. Tu entends plusieurs détonations qui te passent au-dessus. Je pense que tu as eu raison de te jeter plus ou moins par terre pour claquer la porte. Et effectivement, du coup, la porte maintenant claquée, tu la verrouilles. D'un coup, tu commences à entendre des bruits dans le couloir. Putain, mais j'ouvre la porte de la chambre et je fais « Charlie, Charlie !» Je sors mon couteau. Vite ! Ok, bah je vais dans la pièce avec elle. D'accord, ok. Donc, vous vous réfugiez dans la chambre. A priori, il n'y a pas de... Vous n'entendez pas de coups contre la porte. Vous entendez plutôt des bruits qui viennent du couloir, des bruits de pas qui courent dans tous les sens. Le coup de feu, ça a dû attirer des gens quand même. Est-ce qu'il y a par la fenêtre un escalier de service ou un truc qui nous ferait descendre ? Non, il n'y a pas d'escalier de secours là où vous êtes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait servir d'arme ? Un autre couteau Alors oui, il peut y avoir d'autres couteaux, il peut y avoir un porte-manteau, il peut y avoir plein de choses. Qu'est-ce que tu peux imaginer ? Un parapluie, ce genre de choses. Non, un couteau, ça me paraît bien, ça me paraît plus naturel. D'accord. Donc effectivement, tu peux trouver un couteau, alors façon un peu couteau de cuisine qui est dans la suite, dont tu peux te saisir au cas où. Okay. Par contre, ça veut dire que tu sors de la chambre, que tu retournes dans l'autre côté de la suite pour essayer de récupérer... Ah oui, ouais, bah non, dans ce cas... Mais après, c'est mieux ailleurs dans la suite, non, pour trouver une autre sortie, non ? Parce que là, on est dans ta chambre. Bah, a priori, oui, mais de ma chambre, il n'y a pas de sortie. Mais si on tente une autre pièce, je ne sais pas, il y a d'autres fenêtres dans la suite, quoi. Parce qu'on connaît la suite, on a passé déjà plusieurs... Oui, il y a plusieurs fenêtres dans la suite. Est-ce que je pourrais connaître une autre sortie, quoi ? Est-ce qu'il y a un autre escalier ? Le seul truc que tu pourrais envisager, c'est l'espèce de toit terrasse sur lequel tu peux sortir pour prendre le soleil un petit peu quand il y en a à Londres. Oh putain, évidemment. J'ai le vertige. C'est parti. Bah, attends, Charlie, qu'est-ce que t'en penses ? De toute manière, on n'a pas d'armes, s'ils sont plusieurs et tout. De toute façon, il faut s'enfuir. On va pas les battre contre eux. Mais je essaye de réunir le plus vite possible toutes les affaires et tout, quoi. Okay. Tu réunis quoi comme affaires ? Bah, non. Vite, t'as pas le temps. Je réunis les indices autour de Carlyle, quoi. Ok, Charlie, tous les indices possibles sur Carlyle. Donc tout ça, c'était dans ta pièce où on est sorti du coup ? On sort et au passage, j'attrape des papiers que je vois. Hein. D'accord, bah moi, pour le coup, comme je ne sais pas ce qui est où, je vais aller me jeter surtout vers le couteau de cuisine. D'accord, ok. Donc vous prenez des affaires dans des sacs, vous prenez le couteau de cuisine, vous courez vers le toit. Bah du coup, le toit. Vous arrivez sur le toit, vous voyez en bas, il y a une voiture qui part en courant, enfin qui part dans un crissement de pneus impressionnant à toute vitesse. Vous voyez deux hommes qui semblent tirer dessus. Que faites-vous ? Tirer sur la voiture qui part. Ils sont à peu près à 5-6 étages en dessous. Et la voiture, ça ressemble à une voiture de police ou... Tu saurais pas te dire, c'est une voiture noire. Juste une voiture noire. Mais pourquoi on nous attaquerait nous alors ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On réfléchira après. Et attends, mais ça bouge plus dans le couloir devant notre porte ? Il n'y a pas de bruit. Au bout de quelques instants, vous entendez des coups frappés à votre porte. D'accord, ouais. On se jette sur le toit de l'hôtel. Ouais. Vous entendez une voix qui semble parler à travers la porte, mais vous êtes loin maintenant. Vous ne l'entendez pas vraiment. Oh putain, merde. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont protégés. Peut-être. Mais est-ce qu'on va vraiment faire demi-tour pour leur poser la question? Attendez, Charlie. Voilà, on a toutes nos affaires. On peut pas se partir comme ça. Les affaires des autres et tout. Les bouquins. Oh là là. On peut pas les coucher comme ça. Vous voulez qu'on y retourne? Mais attendez. Essayons d'écouter ce qu'il dit. Je sais pas. Il y a une voix qui parle. On entend. Ça tambourine encore à la porte. Bon, bah, restez ici. Je vais essayer de. D'écouter, voir si j'entends quelque chose. Ok, donc, okay Charlie. Okay. Je redescends un peu discrètement et pour mettre à portée de voix, en écoutant. Tu entends ? Ça va, répondez. Qui êtes-vous ? Le majordome. Oui, l'autre aussi. C'est quoi votre nom ? On s'est vu au bar. Vous avez pris deux doubles whisky. Et qu'est-ce que vous faites là ? Je viens m'assurer que vous allez bien. On a entendu des coups de feu. Je me retourne vers Elsa. Je dis, c'est apparemment c'est le majordome. Il a entendu des coups de feu. Il est venu voir. Tout va bien. Merci. On a fait tomber un truc, mais on nettoie. Pas de problème. Mais non, mais on a vraiment entendu des coups de feu. La police semble être intervenue. Il y a eu des gens qui sont partis dans une voiture. Il y a eu des coups de feu dans la rue. La police est là ? La police est là. Je sors de la cachette. Je crois, en tout cas. Est-ce que vous pouvez leur demander de monter ? De monter où ? Ah, ici ? Ici, ouais. Oui, bien sûr. On veut le commissaire Barrington. Je vais leur demander. Je trouve ma bouche. Charlie, aidez-moi. La prochaine fois que je parle, faites-moi taire. Du coup, ça... Vous faites quoi ? Parce que là, a priori, la personne s'en va. Ouais. Ok, putain, qu'est-ce que... Voilà, bon, peut-être que c'est bon, hein. Je pense qu'ils sont partis et il y a des gens qui nous ont sauvés. Pourquoi il y a d'autres qui tiraient sur des individus, tu vois ? J'en sais rien, je vais jeter un œil dans le couloir pour vérifier. Il y a un œilleton sur la porte ou pas du tout ? Ouais, bien sûr. Je vais regarder à l'œilleton, voir si tu vois quelque chose. Je vois pas grand-chose. Enfin, il n'y a plus personne dans le couloir, en tout cas. Enfin, de ce que tu peux voir à travers l'œilleton. Ok, je vais ouvrir la porte discrètement, le couteau à la main. Non, a priori, personne dans le couloir. Fais-moi un jet de toc. Jet de toc. 31 sur 40. Tu réussis. Tu réussis. Tu vois, en fait, a priori, au bout du couloir, un homme qui semble porter un chapeau, un grand imper, et qui a l'air de surveiller le couloir. Je referme la porte discrètement. Mm-hmm. Et il y a quelqu'un dans le couloir qui a l'air de surveiller. Un homme avec un grand chapeau et un imper. Ah. Peut-être un policier ou peut-être quelqu'un d'autre. Ok, bon, j'ai envie de prendre le risque, Charlie. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Non. Mais bon, alors, on attend que quelqu'un se manifeste, quoi. Qu'il revienne. Non, mais de toute façon, on est revenu là parce que vous vouliez pas laisser les affaires de côté, mais... On range tout. On range tout, de toute façon, même au pire, si c'est vraiment la police, ça vogue, là, c'est mort. Il faut qu'on parte. Oui, vous avez raison. Donc, on en profite pour réunir toutes les affaires, faire les valises vite fait et tout. Tu n'aurais pas un sac à dos ? Ce serait pas plus simple pour ce... Un sac à dos ? J'ai pas porté de sac à dos depuis 5 ans, Charlie, ça n'a pas commencé ce soir. Oui, puis c'est quand même plus pratique de courir avec un sac à dos qu'avec une valise. Oui, bon, bah oui, mais d'habitude, on était plusieurs. Là, on n'est que deux. Bon, bah, ok. Que faites-vous alors ? On va commencer à ranger un maximum d'affaires. On peut. Enfin, d'affaires utiles à l'enquête, quoi. Pas nécessairement les fringues, mais les bouquins, les indices. D'accord. Mon appareil photo, absolument, bien sûr. Et j'essaie de trouver les bouquins, les indices, et puis Percival, est-ce qu'ils avaient des objets Non, ils ont tout sur eux, a priori. Alors que vous faites ça, vous entendez de nouveau des coups à la porte. Ouvrez, police. Ah. Je regarde à la hutton. C'est un homme avec un chapeau, un imper, un peu dans le même style du gars que t'as vu dans le couloir, quoi. Ok, bah je le décris à Elsa en chuchotant et... Police, ouvrez. Et je lui dis d'aller se planquer dans la chambre, ou en tout cas de trouver une cachette le temps que j'ouvre. Ok, moi je me mets pas loin dans une cachette avec le couteau à la main, quoi, prêt à bondir en fait sur le mec. J'entrouvre la porte. Oui. Voir votre insigne. Donc il sort une plaque, effectivement, Scotland Yard. Okay. Il se présente. Inspecteur Kyle, j'ai l'entrée. Et qui vous envoie, inspecteur ? Le lieutenant Barrington. D'accord. Bon, ça me rassure un peu, même si Elsa a craché le nom. Mais... Ça te rassure ? Oui, mais il y a un truc bizarre, c'est que techniquement, il serait déjà là. Ça fait pas... Ouais, voilà, pourquoi il serait déjà là ? Après, tout à l'heure, ils ont dit qu'il y a déjà la police sur place, mais bon... Après, Charlie, est-ce que tu as un peu de droit d'administration en termes de compétences ? Pas du tout. Pas du tout. Hein. Je regarde en droit, non, j'ai absolument rien. Ouais, et bon. Non, j'ai vraiment rien. Que la psychologie, éventuellement, moi, je peux faire de la psychologie. Toi, Elsa, t'es caché, donc tu peux faire de la psychologie que sur ce que t'entends de la personne. Oui, pas sur son... Donc, du coup, je te donnerais un désavantage. Toi, Charlie, tu vois la personne, tu peux faire un jet de psychologie pour voir effectivement si il a l'air de mentir ou pas. Oh, Elsa, tu peux faire la même chose, mais comme tu n'es que la voix, tu feras avec un désavantage. Okay. C'est un échec. C'est tout pareil. Vous n'avez absolument aucune certitude sur, sur les intentions de cet homme. Ok, je me garde une main dans le dos avec, avec le couteau, au cas où, et j'ouvre la porte pour le faire passer. Il est seul ou... Il a l'air seul. Ok, j'en trouve juste pour le faire passer lui. Et dès qu'il passe la porte, je referme et je reste dos à la porte. Et il enlève son chapeau et il commence à enlever son imper. Vous permettez que je m'assieds ? Je pense qu'on sera plus à l'aise pour discuter. Je vous en prie, installez-vous. Okay, je suis d'accord, je dis ça en sortant de ma cachette. D'accord. Ah, santé. Le lieutenant Barrington m'avait dit effectivement qu'il y avait une américaine. Eh oui, Elsa Kastner, enchantée journaliste internationale. Je lui tends la main pour lui serrer la main. Enchanté, il te serre la main. Il fait peut-être, souhaitez-vous passer peut-être un peignoir Ah oui, je suis pas à poil non plus, oui. Non, c'est pas à poil, tu t'es à peine... Non, pas du tout, non, j'ai pas froid, monsieur, pas de problème. Ouais. Je vous invite à attendre un petit peu. Ouais. L'inspecteur Barrington va pas tarder à arriver, je pense, le temps qu'il fasse le trajet de Pilliard. Parfait, on va attendre alors. Ouais. Vous étiez dans le coin Effectivement, on était dans le coin avec mon collègue. Il est où votre collègue Il est parti chercher l'inspecteur Barrington. Et alors, vous avez tiré sur les individus hein Nous avons tenté d'appréhender des suspects, mais peut-être pourriez-vous nous en dire plus sur ces fameux suspects. A priori, il y a eu plusieurs coups de feu qui ont eu lieu ici, ce que je peux confirmer au vu de la porte. Maintenant, je vous en prie, vous pouvez peut-être m'en dire un petit peu plus. Pourquoi des gens ont-ils commencé à vous tirer dessus en plein milieu d'un des plus prestigieux hôtels de Londres ? Eh ben, on aimerait bien le savoir. On vient de rentrer et on avait commandé de quoi se désaltérer pour la soirée. Et la personne s'est simplement présentée comme le service d'étage. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, il a sorti une arme et il a tiré. Ah bien, vous avez eu de la chance. Oui. Et donc, du coup, comme ça... Oui. Comme ça, les gens arrivent et vous tirent dessus. Oui, alors il me semblait que Londres était un petit peu plus accueillante que ça, mais je suis navré, inspecteur. Venant de New York, moi, je suis choqué. Hein, normalement, à New York, vous savez, bah, pourtant, on se tire beaucoup dessus, mais là, c'est incroyable. Ouais, ouais, bah, peut-être, oui. Peut-être quelqu'un a-t-il voulu... Non, vous savez, moi, j'attire beaucoup de haine, hein, parce que je suis journaliste. Des fois, j'écris des papiers qui ne sont pas terribles. Les gens n'aiment pas trop, voilà. Et du coup, sur qui avez-vous écrit récemment un papier qui aurait pu vous valoir cette haine Est-ce que vous avez lu mon article sur votre souverain C'est la reine Elisabeth, déjà, je ne sais plus. Non, pas encore. C'est qui, en 1905 Attends. Roi George, je pense pas ça. Si, ça doit être ça. Qui est roi d'Angleterre en 1905, oui. Et bah, c'est votre bon vieux roi George V, bien sûr, j'ai écrit un article sur lui qui a fait un peu scandale. Eh bien non, absolument pas lui. Et vous pensez que parce que vous aviez écrit un article un peu... Je connais pas vos mœurs sur le roi. Malade, hein. Attendez, je ne sais pas. Pardon, Charlie, pourquoi vous n'êtes pas d'ici ? Au revoir. Non, je ne suis pas de Londres, mais je ne suis pas de New York non plus, donc... Oui, voilà, bref. Bien. Donc vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à... On parlera que à l'inspecteur Barrington, en fait. D'accord, ok. Bah, écoutez, pas de souci. Nous allons l'attendre ici. Et parfait. Vous offrez un verre en attendant Jamais pendant le service, non, merci. Tentez. Maintenant que je le vois, est-ce que je peux pas refaire de la psychologie un peu ? J'ai le temps d'observer. Bah, vous avez le temps d'observer, hein, là, puisque vous êtes tous en train d'attendre. Donc tu peux observer, effectivement, tu peux refaire un petit jet de psychologie. Comme si je poussais mon jet de dé un peu. Tout à fait, comme si tu poussais ton jet de dé en changeant un petit peu les paramètres. Donc faut pas faire d'échec. Ah merde. J'aurais dû me taire. Non, mais je l'avais en tête, j'allais te le proposer de toute façon. Parfait. Eh bien, c'est un échec. C'est un échec. Ou alors je paye. Non. C'est 17 points quand même. Ouais, c'est tout, c'est beaucoup. Non, je paye pas. C'est donc un échec. Donc, il va bien sûr se passer toute la soirée. Donc, il va y avoir une conséquence. Ah, donc du coup, tu te mets à vomir peut-être par terre. C'est ça la conséquence. Il y a eu trop d'excitation, tu t'es réveillé en sursaut parce qu'il y avait des coups de feu, tu as commencé à courir partout, etc. Et là, ton estomac se rattrape, en fait. Tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup mangé à la Pyramide Bleue, que tu as déjà bu plusieurs cocktails là-bas, que tu as repris un whisky, deux whisky même, et que, en fait, tu t'aperçois que, mais pourquoi j'ai fait ça ? Je n'aime pas le whisky. Et là, je vous demande pardon, je pars aux toilettes. Tu pars aux toilettes et on t'entend vomir alors que tout d'un coup les pouces frappent à la porte. Une voix que vous connaissez s'élève en disant « Inspecteur Barrington » et donc l'inspecteur Clyde va lui ouvrir. Monsieur Bradbury, votre collègue Madame Kastner n'est pas avec vous ? Elle est dans la pièce privée. Et attends, attends. Elle sera là avec nous dans quelques instants. D'accord, parfait. Ravi. Bien. J'ai cru comprendre qu'il y avait des petits problèmes ici. Par tentative de meurtre, oui, on peut dire que c'est un petit problème, effectivement. Petit problème. Savez-vous pourquoi vous avez été visé ? Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus ? Je regarde l'inspecteur Clyde à côté. Il sort un carnet de notes et il commence à faire un peu le résumé de votre journée, c'est-à-dire à telle heure ils sont allés dans le magasin de Toufik, à telle heure ils en sont sortis, ils sont restés aux alentours, ils sont finis par repartir à la pyramide bleue, discuté avec telle et telle personne, ils sont sortis, on les a perdus un petit peu dans le brouillard, on les a retrouvés une fois qu'ils sont arrivés au Savoy, ils ont commencé à picoler, enfin, toute votre soirée là. Sans qu'on ait eu à leur dire ou c'est parce qu'on leur a dit ? Sans que vous ayez eu à leur dire. Non, on est surveillé voilà, par la police. Écoutez, j'ai l'impression que vous en savez à peu près autant que nous, finalement. Alors, presque, ce que je ne sais pas, c'est ce qui a pu se dire avec les différentes personnes, par exemple. Disons que nos escapades n'ont pas été vraiment profitables. Si je puis dire, on n'a pas eu énormément de nouvelles informations. Et si vous commenciez par jouer carte sur table avec moi, puisque là, quand même, vous venez de subir une tentative d'assassinat, ça veut dire que vous avez dû... remuer des choses ici et là, soit aujourd'hui, soit avant, que vous avez l'air de vous intéresser particulièrement à certains meurtres, du meurtre égyptien, etc., et j'aimerais savoir pourquoi, et que de toute façon, vous êtes un peu en train de faire entrave à une enquête, ce qui peut vous valoir quelques mois de prison au bon frais du compte spécial anglais. Excusez-moi, je suis là. Oui, vous en avez encore un peu là, madame. Oui, excusez-moi. Oui. Comment allez-vous, inspecteur Barrington ? Ça ira beaucoup mieux une fois que vous m'aurez raconté ce qui s'est passé, du coup. Eh bien, voilà, les individus nous ont tiré dessus. Oui. Non, ce que je veux dire par ce qui s'est passé, ça, c'est bon, ça, j'étais au courant. La question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Et pourquoi vous vous intéressez à cette enquête ? Comment connaissez-vous Jackson Elias et ce genre de choses ? Je regarde Charlie, j'ai envie, je sais pas. Parce que du coup, j'ai profité un petit peu de contacter des collègues au service des douanes, avec vos deux amis. Ils n'avaient pas l'air net, c'est-à-dire même si l'un d'eux était anglais. C'est d'ailleurs celui qui paraissait le moins net des deux. Donc j'aimerais savoir ce qui vous amène ici et qu'est-ce que vous avez pu faire pour être victime d'une telle tentative d'assassinat. Mais Charlie, ils vont nous prendre pour des fous, tu crois ? Bah, légèrement, oui. On n'est peut-être pas obligé de raconter les détails, mais. Et bon, inspecteur, tenez-vous bien. À New York, un archéologue du nom de Jackson Elias, vous connaissez peut-être ? Oui, je vous ai déjà dit que je l'ai rencontré. Ah oui, voilà, c'est vrai. Jackson Elias s'est fait malheureusement assassiner à New York. Vous m'aviez dit qu'il était en bonne santé et que vous aviez lui prêché les bonjour la dernière hier. Et non, mais je vous ai pas tout dit la dernière fois qu'on s'est vu. Je pouvais pas totalement vous faire confiance. Là, je sens qu'on peut vous faire confiance. Jackson et Elias s'est fait assassiner sous mes yeux et les yeux de plusieurs amis à moi qui sont en ce moment même dans le bureau des douanes. Et nous avons donc pour décider de comprendre ce qui s'est passé pour notre ami et la police de New York étant ce qu'elle est, nous avons pris les devants, voilà. Et nous avons notre enquête nous mène, figurez-vous, jusqu'à Londres. Où Londres, je connaissais très bien Charlie, enfin presque, et il nous a rejoint pour ça, hein, voilà. Et nous avons une piste sur les assassins de Jackson Elias, qui sera à Londres. D'accord. Vous savez que tout ce que vous allez dire, je vais le faire vérifier par télégraphe. Et bien sûr, n'hésitez pas. Je crois que l'officier qui s'occupait de toute cette affaire à New York s'appelle... merde. Il a un nom pourtant que je connais. Je ne sais plus. Qui nous a aidé ou non ? Ouais. Surbrouillé, il me semble. Non, mais il y a bien eu un policier qui vous a aidé et tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je lui donne ce nom-là que j'ai oublié. Là. Vous avez aidé. Oui. Alors, tu lui donnes ce nom-là ? Ouais. Et ce nom, c'est l'inspecteur. Je vais te redonner le nom. Ouais. Attends, mais t'es sur le site là. Je vais regarder. Suis-je bête ? Il y est forcément. Bon, ben non, mais est-ce que c'est important de. Oui, c'est important, tu me dis. Merde. Commissaire de New York. Il y a le lieu pourtant. Martin Poole. Le lieutenant Martin Poole. D'accord. Tu lui donnes le nom de Martin Poole. Ouais. Il est... Attends, il a laissé supposer devant. Ah bah oui, non, mais si, si, il me semble qu'on est en bon terme. Hein. Il vous a aidé, etc. Tu te souviens pas, non, de Martin Poole? Si, bah je suis sur sa fiche, là. Pardon. Ah ouais. Je suis dans, mes... dans mon carnet. Qui me... Il a pris l'affaire de l'hôtel Chelsea à cœur et tout. Si, si, bah tu... Martin Poole, on est sur une affaire, peut-être même de tueur en série. Ouais, ouais, juste, fais-moi un petit jet d'intelligence, ça, juste pour qu'on rigole un petit peu. C'est pas bon, ça. Juste pour la mémoire, tu vois. Oui, j'ai bien compris. Oh, réussi, non hein. Tu te souviens? Ouais, Martin Poole, ouais. Martin Poole qui a complètement disparu le 18 janvier 1925, puisqu'il était avec vous lors de la première descente dans la boutique Joujou. Ah merde. Qu'il a complètement disparu du radar de la police, mais vous savez très bien ce qui lui est arrivé. Il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer le cul, ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Et bah, le remplaçant peut-être de Martin Poole, on te dit. Une affaire terrible, ouais, ouais. Non, je laisse Martin Poole, tant pis. Je crois que j'ai réussi mon GD, non, je me souviens. Attendez, inspecteur Barrington, je me suis trompé. Je crois que malheureusement, lui aussi est décédé. Ok. Faites attention à vous, hein, parce que votre prédécesseur a disparu aussi. Oui, tout à fait, comme je vous l'ai dit. Vous êtes aussi en danger comme nous. Donc, je pense qu'il faut qu'on serre les coudes, inspecteur. Bah, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, j'aimerais bien que vous mettiez à table. Bah, ça y est, on vous a tout dit, là. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui a pu froisser les gens? Ah, bah, on a parlé, on est allé aux Pyramides Bleues, là où il y a eu les victimes, vous savez. Mm-hmm. Et là-bas, on a posé quelques questions au sujet de Jackson Elias. Et voilà, voilà où nous en sommes. En rentrant de la Pyramide Bleue, on s'est fait agresser. N'importe qui de la Pyramide Bleue pourrait être à l'origine de ça. Ah, je pense, ouais. Ou peut-être le marchand d'épices, Tufik Al-Sayed. Ah oui, peut-être Tufik, ouais, effectivement, il est suspect. Tufik Al-Sayed, vous vous rappelez? On en a parlé. Oui, tout à fait, mais pourquoi est-il suspect? On a aussi posé quelques questions. On a eu la chance de le croiser, voilà. Voilà. Vous avez croisé quelqu'un, donc c'est un suspect. C'est rapide comme enquête. Nous sommes professionnels. Non, il n'est pas suspect, c'est juste qu'on a plusieurs suspects et voilà, il en fait partie. Ça peut être n'importe qui. Et puis c'est comme vous, inspecteur, finalement, est-ce qu'on se connaît tant que ça? Non, mais moi je suis de la police. Donc c'est mon boulot de poser des questions. Ah, mais vous savez, dans cette histoire, ça peut être des gens haut placés aussi, on ne peut pas savoir. Hein. Mm-hmm. Bon, bref, non, mais on vous fait confiance, inspecteur, vous inquiétez pas. Donc on vous raconte qu'on s'est fait agresser en rentrant de la Pyramide Bleue. C'est peut-être Tufik Al-Sayed. Voilà. C'est peut-être intéressant que vous le mettiez sous surveillance. D'accord. Il a été sous surveillance, comme vous l'avez dit, et nous n'avons rien trouvé contre lui. Rien contre lui. Bah, il cache bien son jeu aussi. Hein. Bien. Et du coup, que comptez-vous faire pour la suite? Mais déjà, est-ce qu'il serait possible de retrouver nos compagnons? Enfin, que nos compagnons nous retrouvent plutôt. Là, c'est un peu en dehors de ma juridiction, mais je vais faire le nécessaire pour, oui. Ok. Vous avez déjà dit ça la dernière fois. Donc, j'ai dit que j'allais me renseigner pour savoir où ils étaient. C'est vrai que bon, ça fait même pas une journée. On se revoit vite, inspecteur. Effectivement. Et alors, à votre avis, est-ce qu'on peut vous poser des questions? Parce que c'est qui nous a attaqué là? Vous avez réussi à prendre une plaque d'immatriculation, quelque chose? Nous allons effectivement mener l'enquête. Nous allons voir si nous arrivons à trouver votre agresseur. Okay. Bon, bah, dans ce cas, nous, on essaye d'en savoir plus, et puis on se tient au courant, c'est parfait. Et est-ce que vous auriez par hasard un endroit à nous recommander pour dormir? Comme vous pouvez le constater... Notre emplacement ici est quelque peu compromis. Et si vous voulez, je peux vous proposer une cellule. Une cellule. Ouais, et un hôtel en tête, mais. Non, mais on va se débrouiller, inspecteur. On va se débrouiller. D'accord. Il a l'air assez honnête, assez. Ouais, on ne sait pas. Il est chelou, cet inspecteur. Comment ça, il est chelou? Je sais pas, il a l'air assez honnête à propos de quoi, Est-ce qu'il nous inspire confiance ou pas? Est-ce qu'il est un peu suspect dans ses... Il fait partie d'une secte, on sait pas. Attends, bah, c'est ça. Il peut être flic et membre de secte. C'est possible. Et comment vous voulez essayer de le démasquer, on va dire? Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de... Pour l'instant, je sais pas, mais c'est pour ça que j'ai pas trop envie de lui dire. L'idée c'était est-ce qu'il peut pas nous recommander un endroit où dormir, et si quelqu'un nous trouve là-bas, c'est que c'est un peu lui qui a vendu la mèche aussi. Oui. Et nous, on n'y dormirait pas nécessairement. Il y a plusieurs hôtels dans Londres sur lesquels ils peuvent vous donner des adresses. Ils peuvent vous faire escorter par ces hommes aussi, si vous voulez. Comme ça, vous voyagez dans une voiture banalisée ou ce genre de choses, en essayant de vous extraire un petit peu. Vous pensez que notre vie est en danger, là, et on nous a quand même tiré dessus, hein, donc oui. Bah oui. Non, bah oui, si on prend un garde, ouais, un garde du corps. Mmh. Bon, je suis pas contre. T'es pas contre le garde du corps? Enfin, ouais, un flic qui reste pas loin, quoi. Ouais. Du coup, non, faisons confiance à Barrington. C'est vous qui voyez. Ah, ouais. Mais on lui dit pas tout, quoi, c'est tout. Oui, voilà. Mais bon, si on peut se faire protéger par la police, officiellement, en tout cas, c'est pas mal. Mais on dort à tour de rôle. On fait des tours de garde. Voilà. Ok, donc effectivement, l'inspecteur Kyle vous emmène en voiture dans un autre hôtel qui se trouve plus loin à Londres. Même vous, vous avez du mal à suivre un petit peu les tours et les détours qu'il fait. On vous l'a laissé prendre quelques affaires avant. Qu'est-ce que vous avez pris en particulier ? Bah ouais, tous les indices Carlyle. Tous les indices Carlyle. Ok. Tu comptes quoi ? Tu comptes aussi les livres dedans ? Ouais, ouais. Ah bah oui. Je sais pas, que les livres sont des indices, c'est une autre histoire. Bon, donc, la voiture fait plusieurs tours et détours et vous arrivez... Maintenant, il doit bien être 4h du matin dans un petit hôtel qui ne paye pas de mine. L'inspecteur Kyle semble faire un signe de tête au patron qui lui tend une clé pour une chambre. Ça vous change beaucoup du luxe de votre suite au Savoy, mais vous avez l'impression que c'est un hôtel qui sert de planque régulièrement aux agents du Yard. D'accord. Donc la petite chambre est pas, enfin, un peu spartiate, mais propre. D'accord. Ok. Il n'y a qu'un seul lit ? Non, il y a 4 lits en fait. Ça fait un peu comme un dortoir. Parfait, parfait. Voilà, ok, parfait. Bah, on va essayer de dormir un peu, Charlie. Vous en pensez quoi ? Oui. Est-ce que on essaie de rester éveillé au cas où ? Enfin, est-ce que l'un d'entre nous reste éveillé au cas où ? Moi, j'avoue que je suis crevé un peu, Charlie. Ouais. Je vais essayer de tenir un maximum, mais je pense qu'à un moment donné, Charlie il va s'effondrer quand même. D'accord. Prenons ce risque. Ouais. Fin de la campagne. Vous êtes égorgé dans votre sommeil. Par des punaises de lit. Par des punaises de lit. Non, bah écoute, pour le coup, vous dormez et vous dormez plutôt bien, correctement. Vous dormez jusqu'à à peu près 10h du matin. Okay. Ceux qui ont perdu point de vie peuvent récupérer un point de vie. Ah. Donc la nuit n'a pas été si pourrie que ça. Disons que cette petite chambre spartiate, on y dort bien hein, quand même. Bien fait. Ok, bah, est-ce qu'il y a un petit déj dans ce boui-boui ? Franchement, t'as même pas besoin de demander pour savoir que non. Ah. Allons prendre un petit déjeuner, Charlie, non ? Oui, mais peut-être qu'on devrait sortir un peu plus couvert. Il y a pas dans les valises un chapeau des tenues qui permettent de passer un peu incognito ? Bah, dans ce que vous avez pris, a priori, pas forcément, non. Ah oui. Enfin, j'ai quand même mes looks. Attends, si j'ai un chapeau. Ouais. Chapeau incognito, je suis pas sûr, tu vois. Pas très incognito comme ça. Vous voyez là, le changement de photo ? Ouais, ouais. C'est mon look voyage. Je peux pas mettre. C'est mon look de voyage. Ok, bon, bah non, je me mets comme ça. Genre. Ok. Non, bah du coup, je vais sortir tel quel. Hein. Ok. Que faites-vous ? Il doit y avoir un petit resto ou un brunch ou n'importe quoi, quelque chose où on pourrait se poser et manger un morceau. Alors, Charlie, toi qui connais Londres, tu aperçois en fait que vous êtes au niveau du quartier de Whitechapel. Vous êtes donc à côté de la Tour de Londres et du Tower Bridge. Vous êtes complètement à l'est de Londres, donc très loin de là où vous étiez avec le Savoy. Okay. Par contre, vous n'êtes pas très très loin de là où vous avez vu Mickey Mahoney et les locaux du Scoop. Mais ça nous avance pas trop le scoop. Parce que là, la piste, Charlie, c'était Gavigan, je pense, non ? Oui, tout à fait. Directeur de la fondation. On n'a pas rencontré, il me semble. On l'a pas rencontré, mais il me semble me souvenir. Est-ce qu'à 17h, on n'avait pas rendez-vous avec monsieur Nawisha, le directeur du club de la Pyramide Bleue ? Ah si, j'ai marqué ça. Monsieur Nawisha, 17h, effectivement. C'est un rendez-vous qu'on avait pris. Ouais. Ok, bah, parfait. Et bon, il est 10h, tu disais. Allez, 10h30, le temps de jouer le truc. Ouais, bon, vous pouvez brancher tranquillement, hein. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez qu'on retourne auprès du marchand d'épices ? Pas pour le voir, mais plutôt pour observer, voir les allées-venues en attendant notre... Vous croyez que c'est utile ? Ouais. C'est pas. Rien à voir, Charlie, en fait, excuse-moi de te demander ça, mais en fait, je sais où je t'ai déjà vu, en fait. Cette nuit, j'ai eu un flash. Oui. Tu connais Benoît ? Benoît. Benoît. Mayenne, j'imagine. Mayenne, oui. Oui, tout à fait. Avec Benoît. On s'est déjà rencontré. Oui. Monsieur Mayenne est mon mentor à l'université. Ah, Benoît est ton mentor, d'accord. Parce que je connais très bien Benoît. Enfin, Monsieur Mayenne. Oui, je sais. Ah, c'est là. Mais oui, ta tête me disait bien quelque chose. C'est fou, la mémoire. Hein. C'est fou. C'est incroyable, hein, comme les choses... J'ai plus trop de nouvelles. Et il va bien, il va bien. C'est un peu grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Ah oui, ah oui. C'est vrai qu'il connaissait un peu la société en plus. Donc, ah oui. Bon, c'est lui même qui m'avait introduit dans la société d'exploration d'Inexpliqués en fait. Et c'était effectivement lui aussi qui m'a initié. Ouais. Ça nous fait un sacré point commun ça, Charlie. Oui, oui. Tout à fait. Un énorme point commun. Donc, bah, et je te propose qu'on se tutoie maintenant, Charlie, d'accord ? Pas de ça entre nous. Maintenant, on a failli mourir. On est liés, tu vois. Très bien, ça me convient parfaitement. Vous avez totalement raison. Ok, bah, je tends la main à Charlie et je la lui serre. Je serre la main un peu transpirante, un peu moite. Ok. Parfait. Si on attend notre rendez-vous de ce soir, de 17h, je profiterai bien du temps libre qu'on a. Si on n'a rien de particulier à faire pour lire le bouquin. Ah oui. Mais on doit aller voir Gavigan peut-être, on essaie d'aller à la fondation. On a le temps peut-être d'ici 17h. On va directement à la fondation sans attendre tes compagnons Ouais, j'ai envie d'y aller. Moi, je sais pas, attends, je regarde les autres pistes. Le scoop, on a tout vu. Vous aviez le scoop, il y avait plusieurs articles. Il y avait une histoire de peintre dans Londres, il y avait les meurtres égyptiens, il y avait des meurtres à la pleine lune en dehors de Londres. Il y avait Barrington, donc il vous avait donné des pistes. Il y a le peintre, oui. Oui, il y a le peintre. Ouais. Barrington, vous avez donné les pistes de la pyramide bleue, de Tufik. Vous avez parlé aussi de Gavigan et de la fondation Pennyou. Ah, si, vous avez la piste de la fondation Pennyou aussi. Ah, oui, non, c'est sûr, c'est la prochaine piste, la fondation, je pense. Mais tu crois que c'est dangereux, non ? Peut-être, non, je ne pense pas que ce soit dangereux. La dernière fois qu'on a posé des questions concernant Gavigan et la fondation, on nous a attaqué dans l'hôtel le plus. Des hôtels les plus chics de Londres. C'est pas faux. Ça vaut peut-être le coup d'avoir un peu de renfort au cas où les choses tourneraient mal. Benoît aurait dit la même chose que toi, Charlie, donc j'ai envie de t'écouter. C'est pas mon mentor pour rien. Prudent et organisé. J'aime ça. Très bien, alors. Peut-être qu'on n'a qu'à se renseigner sur ce peintre, alors. Oui, ça nous changera peut-être un peu les idées de partir après un peintre meurtrier. Ah, c'est l'humour de Benoît aussi, c'est incroyable. C'est oui. Très bien. Attends, le peintre, comment il s'appelle ? J'ai plus son nom. Est-ce que tu peux nous remettre les articles, maître ? C'est Miles Shipley. Parfait, le peintre de l'horreur. Super. Ok, renseignons-nous sur ce Miles, alors, Shipley. Oui, en attendant ce soir, ça me paraît bien. On peut trouver des infos sur une galerie où il est exposé, hein ? Est-ce que c'est écrit un article ? J'ai pas l'impression. Alors... en plus de l'article, vous voyez effectivement que cet article est illustré par un monstre sinistre s'emparant d'une malheureuse jeune fille. L'impression de la photographie est si mauvaise que le tableau original y perd tout son impact. Mm-hmm. Vous ne reconnaissez ni le monstre ni la jeune femme. La photographie et l'article rendent compte d'un vernissage. L'adresse du peintre, Miles Shipley, se trouve sur l'affiche. Ah on va direct, on se pointe chez lui. Allez. 6 Holbein News. Allons chez lui, Charlie, et je te propose qu'on invente une histoire sur la route. Oui, ouais, une qui tient la route, avec moi. Est-ce que. On a de l'argent, on a entendu parler de ses œuvres, on a envie d'acheter, quoi. Oui, on travaille pour quelqu'un de. Un acheteur, ah ouais. Pour un acheteur qui souhaite garder l'anonymat pour l'instant. D'accord. Ok, s'il nous pose des questions, on dit que c'est mon père qui est riche à New York. Ok. D'accord, très bien. Alors, dans la rue, donc vous voyez une maison classique des rues londoniennes, une maison de briques avec un étage qui semble en mal de réparation. Vous voyez que toutes les fenêtres sont fermées et occultées par des péridots. Il semble y avoir deux entrées, une à l'avant, une à l'arrière de la maison. Et de la rue, vous voyez au sommet de la maison une sorte de fenêtre à tabatière munie d'une poignée. Eh ben, on va frapper. Ok, ouais, on va toquer. Vous frappez à la porte, vous entendez des bruits de pas traînants qui arrivent et vous voyez une vieille femme qui ouvre la porte et vous regarde en vous demandant « Mais oui, que souhaitez-vous ?» Chipley ? Oui. Bonjour, Elsa Kastner et Monsieur Bradbury, nous venons de New York. Ah, d'accord. Nous avons rencontré votre mari. Incroyable artiste. Mon mari, mon fils plutôt. Votre fils, oui, votre fils, bien sûr, je suis bête. Oui. Pour ses tableaux, on va lui acheter des tableaux. Ah, vous voulez lui acheter des tableaux ? Et oui. Oui. Ah, et ah bon, vraiment ? C'est un grand, non ? Vous n'avez pas l'air convaincu. Écoute, je vais vous demander un jet de baratin surtout. Ah, attendez, moi je suis pour la monnaie, hein, s'il faut. Ouais, fais le jet de baratin. Ouais. Avant de sortir l'argent, d'accord. Baratin, ok. Joli. Écoutez, oui, rentrez, je vous en prie, n'hésitez pas. Et votre fils est là, on peut le rencontrer? Bah, oui. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, la petite dame te conduit à une mansarde où tu peux admirer les différents tableaux. Tu vois qu'effectivement, il y a Bertha qui est là et Shipley qui vient aussi, qui vous salue, qui fait « Bonjour, messieurs. Enchanté, vous êtes là pour acheter des tableaux, si j'ai bien compris. » Oui. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Alors, attends, avant de dire que c'est magnifique. Ne demande pas de C'est superbe, hein, Charlie. C'est très beau. Et d'où vient toute cette inspiration? Tu peux nous décrire ça, vas-y. On va pas déjà, là, je retrouve mon portrait de M. Shipley que je vais vous afficher. Voilà. Et ensuite, je vous donne tout ça. Alors. Oh, sort de prison, M. Shipley. ou de la taverne, peut-être. Enfin, du bar. Ou des deux. Ou un bar qui s'appelle la prison. Alors. Pas mal, ça, comme idée de bar, d'ailleurs. Voilà. Donc, effectivement, vous voyez que Shipley est très fier de sa peinture et que les compliments que vous lui faites ont l'air de toucher juste. Il a l'air d'être très, très, très, très heureux des compliments. Par contre, vous remarquez complètement qu'il n'a pas l'air vraiment stable comme garçon. Son corps est tremblant, sa voix aiguë, il a l'air d'avoir les yeux fuyants. Il est... complètement stone, quoi. Ok, on en profite, hein, on va le manipuler, hein, pour qu'il nous dise. Alors, ça vous vient d'où toutes ces idées? Alors, donc, je vais vous donner un petit peu le truc, mais en fait, la mansarde, donc, c'est une pièce vide sous le toit. Il y a des lampes à pétrole qui éclairent les lieux. Il y a un chevalier qui est installé sous la verrière peinte en noir. Il y a une toile qui est placée sur le chevalier qui porte les premières esquisses d'un nouveau tableau. Vous voyez des pinceaux, des peintures et des palettes qui sont disposées sur une table à gauche. La porte qui donne. Accès à la mansarde est en bois assez solide. Il y a des tableaux achevés qui sont posés contre les murs. Vous voyez de loin que chaque toile semble représenter un sujet démentiel, voire malsain. Shipley donc, vous invite à aller consulter pour savoir laquelle vous souhaitez acheter. Laquelle est la plus dégueulasse, la plus horrible. Non, est-ce qu'il n'y a pas un de ces tableaux qui pourrait nous faire penser à notre enquête? Il y a 4 piles de tableaux qui sont de tailles différentes. Okay. Donc du coup, on repose la question, et d'où vient toute cette inspiration? Incroyablement odieuse. Femme violée, monstre lacérant les entrailles d'un homme, sombre paysage fantasmagorique, visage grimaçant d'horreur. Ok, grosse ambiance. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez un petit peu le tableau? Ouais. Et alors, excusez-moi d'être curieuse, hein, Miles, mais alors vous êtes en contact avec d'autres dimensions, c'est ça, qui vous inspire Je reçois des visions et je les retranscris du mieux que je peux sur ma toile. D'accord, et ça vient comme ça, vos visions? Ça apparaît sous vos yeux quand vous dormez, par exemple? Non, je suis bien éveillé quand les visions interviennent. Et vous peignez dans l'instant, quoi? Oui, je peins dans l'instant. D'accord. Alors, quel tableau vous intéresse? Regardez, venez voir, rapprochez-vous. Oui. Si, on se rapproche. Ouais, on commence à regarder un peu. Faites-moi tous les deux un jet de chance. Ok. Oh, je fais une réussite extrême. Joli. C'est un échec. Alors, Elsa, tu me lances 1d4+3. Non. Comment ça, non? Je refuse. 5. Ok, ça fait 5. Donc Elsa, toi, tu prends une pile, il y a 5 tableaux, tu les regardes. Bon, bah, ce sont... c'est horrible, hein, c'est tous de tailles différentes, mais ce sont des... Comment dire? Des scènes atroces, affreusement étranges et macabres que tu regardes, qui commencent à te prendre un peu la tête et à te faire te sentir mal. En plus, fais-moi un petit jet d'intelligence. Ah, c'est un échec. D'accord. Non, je sais pas. Tu te sens un peu oppressé, en fait, dans cette mansarde. Toi, Charlie, là, tu tombes sur un tableau directement qui représente une grande montagne noire avec la forme monstrueuse d'une créature qui ressemble à une énorme langue rougeâtre. Et tu vois des petites silhouettes humaines placées près d'un temple qui lève les bras en signe de dévotion. Elles portent toute une coiffe. Une coiffe qui te fait penser à ce que Elsa te racontait sur les meurtriers de Jackson Elias. D'accord. Je lui pointe le tableau. Est-ce que ça représente exactement ça? Tu dis à Miles? À Miles, ouais, oui. Okay. Ah ça, je ne sais pas, j'ai vu cette scène, ces adorateurs et ce dieu. Ah, je crois qu'il le vénérait, mais je pense que c'était dans les temps anciens. Et avez-vous vu ce qui s'est passé après ? Ouais, je retranscris la vérité. Et je demande à Elsa de venir. Oui, oui. Donc, tu reconnais les êtres, là, leur tenue et... Eh bien, je ne sais pas, est-ce que j'ai reconnu. Tu reconnais la coiffe qu'ils portent. Ce sont exactement les mêmes coiffes que celles portées par les assassins de Jackson Elias. Et du coup, effectivement, maintenant que tu vois ça, l'idée du culte de la langue sanglante prend tout son sens face à la créature qui est dépeinte sur le tableau. On va acheter celui-là. Parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bien... 300 livres, je vois dans l'article, je lui sors... Je sais pas si j'ai 300 livres, j'ai du crédit en tout cas. Tu peux me faire un petit jet de crédit pour voir si tu peux sortir 300 livres d'un coup. Le site majeur. Ouais, tu sais pas trop d'où tu les sors, mais tu les sors, pas de problème. Écoutez, je vous l'emballe et puis... Je suis riche. Merci beaucoup. N'hésitez pas à en prendre d'autres si vous voulez en acheter plus tard. Oui, d'accord. Avec plaisir. Donc, il vous emballe le tableau et il vous le cède contre les 300 livres. Je sais pas, juste en jetant un œil dans la pièce, on voit pas de la drogue ou des choses, je sais pas, qui pourrait. Un objet étrange ou quelque chose comme ça. Pas trop. Charlie, tu peux me faire un petit jet d'intelligence ? Bien sûr. Une réussite majeure. Non, tu vois pas de truc particulier qui ferait tiquer. Par contre, il y a comme une odeur forte, un petit peu comme une odeur comme aux os, tu vois, la partie avec les reptiles. Ouais. Bah, la même odeur. Ok. Il y a des peaux de serpent dans la pièce. Je pense qu'on prend congé à ce moment. Il est à l'étage, c'est ça, ou il est dans une pièce à part ? De quoi ? Lui ? Ouais. Bah, vous êtes dans la mansarde où il peint. Donc il vous reconduit en bas avec sa mère qui est là aussi. Ok. Voilà. Parlerait bien à sa mère peut-être un peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et une fois qu'il est parti, peut-être commencer à parler à sa mère. Oui. Oui. Votre fils. Oui, oui. Un génie. Ah non, pas douter. Oui. Mais ça fait longtemps qu'il est. Il a toujours été très sensible. Il a toujours. Il s'est trouvé une vocation avec la peinture. Oui, mais est-ce que les choses ont changé récemment ou. Non. Il a toujours eu ses visions. Oui. Et vous n'en avez jamais parlé à qui que ce soit ? Bah pourquoi faire ? Je ne sais pas, pour comprendre d'où ça peut venir. Ah non, c'est un don, ça lui permet de peindre aussi merveilleusement. Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre acheteur ou collectionneur ou homme qui est venu Des gens viennent pour acheter des toiles de temps en temps, mais... En début d'année, un Américain ? Non. Jackson Elias, il s'appelait, non, ça vous dit rien ? Ah non, je ne l'ai pas rencontré, désolé. Et est-ce que des gens d'origine égyptienne serait intéressé, serait déjà venu. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi d'origine égyptienne? Il serait comme vous, un peu bronzé. Voilà. Par exemple, oui, par exemple. Vous savez, on a vu plein de gens qui sont venus. D'accord. Très bien. Et un homme s'appelant Monsieur Gavigan. Ça ne me dit rien. Non, ça ne vous dit rien non plus. Toufik Al-Sayed non plus. Non plus, non, désolé. D'accord. Non. Barrington, inspecteur Barrington. Chose. Ah non plus. Pourquoi ? Ok, mais on va pas vous déranger plus, madame, je crois. Ah, d'accord. Mais tout va bien, votre fils va bien, il est en bonne santé. Ah oui. Il est un peu fatigué, hein. C'est parce qu'il peint beaucoup. Beaucoup, oui. Oui. Oui, bah, peut-être que le repos lui ferait du bien. Regardez, je lui montre le tableau qu'on a acheté. À qui ? À la mère. Oui, je l'ai vu, une très belle pièce. Oui, très belle pièce. Il vous a raconté l'histoire de ce tableau un peu ou pas du tout ? Quelle histoire de ce tableau ? Non, il voit les scènes et il les peint. D'accord. Bon. On va rien apprendre, je crois. Non, j'ai l'impression. Eh bien, écoutez, merci, madame, pour votre accueil. Merci. Remercie encore votre fils, cette très belle pièce et son travail. On n'est pas à l'abri de revenir acheter un tableau avant de rentrer aux États-Unis, rassurez-moi. Ah, bah, parfait. N'hésitez pas. On a eu un vrai coup de cœur pour votre fils. Ouais, au moins. Ouais. Ça a l'air d'être un bon petit gars. Parfait. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Dès qu'il est sorti, j'expliquais très bien que c'est le culte de la langue sanglante qui est représenté sur le tableau, quoi, qu'on a dû affronter à New York. Charlie, tu vas me faire un jet de scène. Oh merde, pardon. Pardon, Charlie. Non, t'excuse pas. Ça commence. Ah, c'est un échec. Tu lances un des trois. Ça va. Deux. Effectivement, ce tableau sur la langue sanglante est particulièrement, particulièrement choquant pour toi, en tout cas, Charlie. Elsa, okay. Oui, pardon, j'écoute. Tu vas me faire 6 jets de scène. Quoi ? Ouf. Mais pourquoi ? Un pour chaque tableau que tu as vu. Oh, merde. La cruauté. Je savais qu'il y avait 6, mais attends, mais non, mais... Ok. Ah, le échec. La santé mentale à retardement. Un échec. Réussite. Ok. 42 sur 42. Putain. Réussite. Ok. Réussite extrême. 5 ouais. sur 2. Ok. Et échec. 2 échecs. 3 réussites. Putain. C'est à 5 là. J'ai fait 5, ouais. Bah, c'est ça, 6. Il en faut 6. 2 plus 3 tout à l'heure. Ouais. Plus le tableau de la dernière. L'actuel. Hein. Bah oui, je suis con. Ouais. Échec. Échec. Donc, tu vas me lancer 3 des 3. C'est non. 3 des 3, il n'y a même pas les des 3. Attends. 8. 8 points de salle. Donc, tu perds 8 points de sun. Ce qui veut dire que potentiellement, tu peux faire une folie temporaire. Ah bah oui. Donc, je vais te demander un jet d'intelligence qu'il faut rater. Alors, la folie temporaire, c'est en dessous de combien de points ? Un échec, parfait. C'est 5 points dans un court laps de temps. D'accord. Il ne me reste plus que 34 points pour finir la campagne. Je sens que ça va être compliqué. C'est possible. En tout cas, a priori, ta folie temporaire, tu ne l'as pas puisque tu rates ton jet d'intelligence, donc tu ne processes pas réellement tout ce qui s'est passé. Mm-hmm. Oui, non, je suis de l'optique enquête, hein, toujours, en fait. Ça va, Elsa ? Ça va, mais tous ces atrocités accumulées, ça me fatigue. Ça me fatigue, Charlie. Tu veux aller te reposer ? Non, ne perdons pas de temps. On est là. Non, c'est bon. Tu as remarqué cette odeur étrange dans la pièce ? À part que ça, c'est extrêmement mauvais. Non, une odeur à sentir ? Ouais, je ne saurais pas décrire une odeur un peu... Tu disais, MJ, que c'est... Comme les enclos reptiles aux zoos. Qu'est-ce que ça sent, ça ? C'est une odeur particulière. C'est un peu douceâtre, un peu sec, un peu bestial. Ok, un truc qui ne m'inspire pas confiance, hein, c'est ce mec-là. Non, il a l'air particulièrement atteint. Hein, pour clairement, il a l'air fou. Oui, il n'a plus beaucoup de points de santé mentale. Hein. Oui. Il aurait des visions, c'est quoi cette histoire, hein, ce culte, ce serait vrai, pas des... J'en sais rien. C'est clairement, tu as plus d'expérience que moi là-dessus, mais c'est quand même bizarre que quelqu'un de l'autre côté du globe ait peint des gens habillés exactement de la même manière que... Oui, clairement, ceux qui la scène vous fait penser à l'Afrique. Oui, non, mais clairement, Charlie, après Londres, à mon avis, il va falloir qu'on aille en Afrique. Oui, effectivement, ça me paraît une destination qui se précise de plus en plus. En tout cas, les pistes semblent mener vers... Il faut qu'on aille en Égypte, pourquoi pas plus bas, hein, parce qu'à New York, c'était des... Boutinia. Dans Harlem, Kenyan, oui. Je me disais. Que faites-vous alors que vous marchez dans la rue ? Il est quelle heure, là ? Vous avez brunché, je pense qu'il doit être dans les alentours de... Allez, peut-être midi, 14h. D'accord. Parce qu'on a vu le peintre, quand même, avant. Oui, bah, vous avez mangé, pris un gros petit-déj, brunch, et vous avez vu le peintre, ensuite. Rendez-vous de 17h. Là, vous vous baladez avec un tableau sous le bras. Ah oui, merde. Oh. Peut-être déjà aller déposer le tableau à l'hôtel. Et le flic, il nous a suivi tout ce trajet ou pas du tout ? Bah écoutez, vous avez fait attention, vous avez essayé de voir si vous étiez suivi ? Totalement ignoré. Totalement, ouais. C'est ça qui est magique. écoutez, faites-moi un jet de trouver objet caché maintenant. Oh merde. Il s'est caché. Il était caché. Oh, c'est une maladresse. Merde. C'est une réussite extrême. Alors, du coup, ouais, ça, Charlie, en vrai, t'as un peu l'impression que tout le monde te suit. Tu te demandes pourquoi tout le monde dans la rue a l'air de te suivre. C'est moi qui te demande si ça va, du coup. Les chambres me regardent bizarre. Ouais, tu demandes. T'as l'impression, en fait, même que, tu vois, les mecs bizarres avec les coiffes étranges, t'as l'impression d'en avoir vu un peu dans la foule. Donc, t'es un peu. T'es pas serein, là. Mmh. De rentrée. Toi, Elsa, mm-hmm. Donc tu vois effectivement l'inspecteur Kyle qui a l'air de vous suivre, et tu remarques une autre personne, un peu étrange, qui a l'air aussi de vous suivre. Dans quel sens ? L'inspecteur n'a pas l'air d'avoir L'inspecteur repéré. Il était suivi. On est suivi par tout le monde, c'est super. Ce type de personne-là que je vais vous décrire. C'est un homme roux d'une trentaine d'années. Il est roux, c'est louche. De petite taille et qui semble vêtu d'un costume de mauvaise facture avec un chapeau melon. Il semble assez juvénile. Okay. Et il a l'air effectivement, peut-être pas de vous suivre vous, mais peut-être de suivre l'inspecteur Kyle. Vous savez pas trop. En tout cas, ça fait plusieurs rues que vous le croisez. T'as vu ce roux là-bas, Charlie ? Le roux ? Quel roux ? Le rouquin derrière, regarde. Non, Charlie, il voit pas de roux. Non, il voit pas de roux. Il y a quelqu'un qui nous suit avec un chapeau melon là. Qui suit l'inspecteur ? T'as un roux en Angleterre ou des mecs avec des chapeaux melons dans l'Angleterre des années 20, je veux dire. Ouais. Tu peux pas plus spécifique, ça va pas aider. Regarde là, je m'arrête un peu, je pointe du doigt. Regarde là, de l'autre côté de la rue. Le temps que tu pointes du doigt, toi-même, t'as du mal à le retrouver. Tu sais pas, il a dû se fondre dans la foule. De quoi tu parles? Ah, oui. Ok, non, bon, et en tout cas, l'inspecteur, il est là, il nous suit. Rentrons à la chambre. Et... Ouais. Ouais, on va lui demander si non, il n'aura pas de nouvelles de nos amis, de toute façon. Ok. Déposons le tableau à la chambre et repartons après pour le rendez-vous. Je vais changer de tenue, d'ailleurs. D'accord. Vous déposez le tableau et où allez-vous, du coup? J'ai pris évidemment mes frais. Bah, du coup, on va rendez-vous à la pyramide. Ouais, on a un peu de temps devant nous quand même. Oui. Mais. On a un peu fait quand même, mine de rien, le tour de... Parce que le tableau, là, je sais pas trop ce que ça nous apporte, à part que tout est lié, et que, ouais, il y a le culte, c'est un truc sérieux, quoi. Enfin, sérieux. Vraiment mystique, quoi. Ouais, de toute manière, tout nous mène... Tout finit par nous mener vers la pyramide bleue. Ouais, ouais. Ce Gavigan et Tufik. Ouais. Et puis, oui, c'est l'Égypte, cette secte africaine, les pistes forment un entonnoir vers ça, c'est sûr. Si on a un peu de temps, est-ce qu'on pourrait pas aller faire un tour peut-être à la bibliothèque pour voir si on pourrait pas trouver des informations concernant ce culte, notamment. Et on a les bouquins, quoi. Est-ce qu'on peut en savoir plus, effectivement? Bah, la bibliothèque, t'as le British Museum, et la deuxième grande bibliothèque d'égyptologie, c'est la Fondation Pennew. Bien sûr. Mais ouais, on a décidé qu'on attendait nos collègues pour aller à la fondation. Ouais. C'est-à-dire que s'ils sont toujours à la douane demain, on ira, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Allons à la pyramide bleue dans ce cas pour notre rendez-vous. Voilà, allons à la pyramide bleue. Donc vous vous rendez à la pyramide bleue pour aller discuter avec le directeur, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Alors, un article sur la pyramide bleue, évidemment. Mmh. Je vais lui dire qu'on va faire un article sur son taudis, quoi. Non, c'est un club plutôt sympathique, en plus. Alors, je retrouve mes notes sur la pyramide bleue et surtout sur le bonhomme. Alors que vous vous rendez à la pyramide bleue, je vais vous demander un petit jet de chance. Un échec pour moi. Une réussite majeure. Elsa, alors que tu te rends à la pyramide bleue, tu vois dans une ruelle une jeune femme qui te fait un signe. Tu la reconnais, c'était une des danseuses du ventre de la soirée d'hier soir. Que fais-tu? Attendez, Charlie, attends, regarde. Je m'approche vers la danseuse. Elle te fait signe de venir dans la ruelle. Elsa, est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça? C'est une des danseuses d'hier soir. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle t'entraîne au fond de la ruelle. Que fais-tu? J'ai envie d'y aller. Pardon. Charlie, tu la vois cette fois? Tu vois? Oui, oui, bien sûr. Mais pourquoi? Coucou, madame! Elle vous fait signe de vraiment vous enfoncer au fond et elle tourne à un petit angle. C'est quoi cette histoire? On n'est pas armé, évidemment. J'ai mon couteau. T'es bon avec un couteau, Charlie? De 100. Si tu devais te noter de 0 à 100 pour te battre. Je sais pas, un petit 25. Ouais, d'accord. Ok, bon, je sais. Bah, je vais garder le couteau. Je suis meilleur à distance, pour le coup. Je suis un peu plus habitué à la chasse. Mais... Oh, moi aussi, remarque. Que faites-vous alors? Si vous ne vous décidez pas maintenant, peut-être va-t-elle repartir. Proche prudemment. Oui, voilà, elle va quand même. Il y a des meurtres autour de cet endroit, mais bon, on nous fait vous approchez au fond de la ruelle et vous voyez effectivement que la ruelle est assez sombre. À l'angle, vous voyez la silhouette de la femme qui fait psst, psst, venez vite. Ne vous faites pas le voir, venez. Hé madame, qu'est-ce qui se passe? Disquette. Okay. Vous vous approchez donc prudemment de la jeune femme. Tout à fait, oui. Vous êtes dans la pénombre de la ruelle. Elle-même semble être recouverte d'un grand drap imperméable avec une grande capuche. Elle a juste... Tu te doutes qu'elle a dû intentionnellement te laisser voir son visage pour t'attirer jusqu'ici. Mmh. Elle vous dit « J'ai cru comprendre que vous posiez des questions hier à la pyramide bleue. On va éviter de faire des accents. » oui, effectivement, madame. Vous travaillez là-bas, c'est ça? Oui, je suis une des danseuses, je vous ai entendu poser des questions. Je m'appelle Yael Elcha et j'ai peur de ce qui se passe là-bas. Il y a une sorte de secte. Ah. Mon compagnon a été tué et je souhaite le venger. Comment il s'appelait, votre compagnon? Vous avez prononcé son nom hier. Abdelmajid Dalib Daher. Ça. C'est lui? Bien lui. Oh mon Dieu, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Il se fait tuer lui aussi en sortant du club? En fait, une fois par mois, un vieux camion vient se garer vers minuit. Non loin du club. Il y a deux douzaines de clients peut-être de la pyramide bleue qui grimpent à l'intérieur. Ils sont tous menés par un certain Tufik. Ah. A priori, il les emmène en dehors de la ville et on ne les revoit jamais. Des employés? Non, des clients. Ah oui, des clients, d'accord. Faut écouter, madame Elsa. Attendez, parce que je prends des notes en même temps. J'ai sorti mon carnet, bien sûr, pour noter tout ce qu'elle dit. Faites-les tomber. Vengez mon ami. Je vous abandonne là. Il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Elle remet sa capuche et elle repart dans la ruelle. Bon. Bah, merci, madame. Bah, elle est déjà partie. Ah oui, je dis merci dans le vide. Charlie, on a des gens qui se font sacrifier, là, j'ai l'impression, par une secte obscure. Obscure et sombre. Dans la nuit noire. Je l'attendais. qui se font emmener une fois par mois. Il y a 6 clients qui se font emmener, voilà, et qu'on ne revoit jamais. Bon, ça, 6 clients. T'as dit une demi-douzaine, non ? C'est pas ça que t'as dit ? Deux douzaines. Deux douzaines, ça, c'est quoi ? Ah, mais je parle très très mal ou Non, parce que je notais en même temps, du coup, excuse-moi, je suis pas script. Deux douzaines de clients de la pyramide bleue qui grimpent à l'intérieur. Ça reste une fois par mois, c'est énorme. Et a priori, ouais, y en a au moins certains dont on ne revoit jamais. Hein. Bah, elle nous a dit que tout le monde avait disparu. Et ils sont menés par un certain Toufik. Oui. C'est énorme comme disparition, quand même. Oui, personne ne s'en est jamais inquiété avant ça. Écoute, est-ce que tout le monde disparaît ? Est-ce que tout le monde ne disparaît pas ? Oui, on ne peut pas vraiment savoir. Ouais. Et bah, Charlie, est-ce que. Ou alors nous-mêmes, on se fait emmener, mais là, c'est dangereux. Genre, oui, ça me paraît déjà très dangereux. Et puis, dans ce cas, il faut laisser des pistes, encore une fois, pour nos compagnons, pour qu'ils nous retrouvent. Oui, non, on ne va pas y être. Bah, voilà. Mais du coup, c'est dangereux d'aller à la. Parce que si des employés disparaissent, c'est sûrement avec l'accord du directeur. Il hein. Y a de fortes chances. Ouais. Donc là, peut-être son rendez-vous, c'est un piège et il va nous embarquer. Oui. On est prêt à. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment le cul bordé de nouilles et qui font des réussites majeures sur le luck roll. Quoi. C'est vrai. En fait, Elsa, c'est ce qui la sauve, c'est la chance. Elle fait des réussites majeures ou des réussites extrêmes sur la chance. Donc tu nous confirmes là que c'est un putain de piège. Donc on va pas y aller du coup. Je te propose, Charlie, qu'on n'y aille pas, non ? Non, ça me paraît bien. Ça me paraît être une très bonne idée. Mais là, il faut que du coup qu'il y ait une grosse descente de police là-bas. Hein. C'est pas possible, quoi. Il y a forcément des preuves. Bah, il faut trouver des preuves parce que on peut pas demander à l'inspecteur Barrington de dépêcher du monde sans aucun. Sur des suppositions. Bah, exactement, ouais. Dommage. Dommage. Il faudrait inventer des machines qui enregistrent le son. Oui, oui. Non, mais c'est de la science-fiction. Arrêtez un peu. Ah non, ça se fait. Il y a des phonographes. Ah, ça se fait déjà. Bon, voilà. Ah mince. Ça se fait déjà. Ça s'appelle un phonographe, voyons, Elsa. Ah oui. Ça se faisait même. C'est Edison qui avait inventé les premiers tubes, les premiers enregistreurs, notamment avec les tubes en cire là, qui déroulaient. Il faudrait qu'ils inventent des phonographes portatifs. Oui, oui, non, mais ça, n'y pensez pas, ce serait beaucoup trop lourd. Ils transporter sur nous, quoi. C'est formidable, ça. Oui, et puis pourquoi pas avec des choses en couleur qui apparaissent dessus et faire autre chose que téléphoner. Non, mais arrêtons un peu de. Ah, vous lisez beaucoup de science-fiction, Charlie, j'ai l'impression. Bradbury. Je lis beaucoup. De quoi ? Ah non, Bradbury n'est pas encore écrit. Non, puis la science-fiction, ça n'existe pas encore. Bah, Jules Verne, non pas, ouais. Alors, ouais, Jules Verne, c'est pas considéré comme de la science-fiction. Mais bon, après, c'est d'autres choses. Il y a débat. Ouais, il y a débat. Quoi que les années 20, en fait, si, parce que vous arrivez avec les Weird Tales, etc. Donc, si, en fait, on doit avoir les débuts de la science-fiction telle qu'on l'entend maintenant. Le journal miteux de mon père, il y a des nouvelles de science-fiction qui sont publiées. Tu sais. Bon, bref, peu importe. C'est de plus en plus dangereux, cette histoire. Et du coup, Gavigan serait lié aussi à ça. C'est quasiment sûr, en fait. S'il traîne. Là-bas, il connaît Toufik. Comme par hasard, il y a quelqu'un d'expédition, Peignou. Ah, alors est-ce que si genre il a pris la place de Peignou, quoi, qui est parti avec l'expédition ? Tu penses que c'était un plan pour prendre la tête de l'expédition, mais pourquoi faire ? Non, pour prendre la tête de la fondation, je sais pas. De la fondation, pardon. Ou alors il couvre juste les arrières de Peignou et Jackson avait raison et Peignou est toujours en vie et lui il le planque, quoi. Gavigan le planque. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il est convaincu, quoi, c'est chef de secte. Vic et lui, ouais, ils mènent la barque. Aïe aïe, j'ai vraiment très envie, Charlie, faut me retenir. J'ai envie d'aller à la pyramide bleue quand même. Ça me paraît une extrêmement mauvaise idée. Mais si on y va en mode. Enfin, pardon. Si on y va et en restant discret. On va pas au rendez-vous, mais peut-être vous aviez raison ce matin. Tu avais raison ce matin. On aurait dû aller observer Toufik à la boutique. Ouais, est-ce qu'il y allait discrètement, mais par une entrée de service peut-être. Ouais. On peut se faire passer. Je veux dire, on peut se faire passer pour des employés, mais visiblement, ils disparaissent aussi. Ouais. Un camion, ah non, en fait, c'est soit il faut qu'on voit ce camion, soit on disparaît aussi, mais ça me semble quand même dangereux. Disparaître, oui, c'est l'objectif. Ils vont enlever ou s'ils vont volontairement, tu vois. Parce que si en fait il fait que recruter pour un truc. On peut peut-être poser la question aux employés plutôt. Si, il ne peut pas sacrifier plus de 20 personnes tous les mois, c'est énorme. Après, je me suis peut-être mal exprimé aussi, mais oui, non, tout le monde ne disparaît pas, mais il y a une partie des gens qui disparaissent. Les gens qui partent et il y en a qui reviennent et d'autres qui ne reviennent pas. Donc il y a quand même des gens c'est qui. C'est ça. Non, mais c'est trop risqué. Ça me paraît être un plan un peu trop audacieux. Surtout sans backup. Hein. Ouais, tout à fait. En fait, on n'a que des pistes où on a besoin de renforts. Sinon, on est foutu. C'est un peu le risque. On retourner voir le peintre, là au moins on était ouais. En sécurité. Ah, rien à lui dire, quoi. Enfin, et on va pas faire la piste en dehors de Londres. Ça me paraît complètement absurde de quitter la ville. Ouais, moi aussi. Donc, non, bah, on va se coucher. Je ne sais pas. Est-ce que on se planquerait pas pour voir si une fameuse camionnette vient ce soir aussi ou pas ou... Ouais, peut-être qu'on peut se rapprocher et voir si quelqu'un nous attendait près du rendez-vous. Des hommes armés ou je ne sais pas qui. On pourrait apercevoir. Ouais, après le rendez-vous a lieu à l'intérieur de la pyramide, donc il faudrait pouvoir y rentrer. Oui, est-ce qu'on peut faire le tour du bâtiment, trouver une entrée de service, passer par les toits ou... C'est une question MJ, pardon. Faire le tour, passer par le toit de la pyramide bleue, ouais. Ça paraît compliqué. Vraiment, ça paraît compliqué. Non. On rentre à la chambre et puis on prévient l'inspecteur, le lieutenant, et puis on lui dit de faire une descente, quoi. Il demande un mandat, je sais pas. Ouais, mais encore une fois, on a zéro preuve. Il y a des portes arrière. On peut passer par les portes arrière. J'imagine que c'est là qu'ils sortent les poubelles. Bon, bah, on prend le risque, alors, Charlie. On risque de se faufiler. Peut-être pas de se jeter dans la gueule du loup, en face du loup, quoi. Dans son dos, c'est plus sympa. Ok, bon, bah, ok, bah, on y va, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, en essayant de pas se faire repérer. J'ai 80 discrétions. Faites-moi un petit jet de discrétion, justement, pour essayer de pas se faire repérer. Et c'est un échec. C'est un échec également. D'accord. Bon, a priori, vous n'êtes pas du tout discret. En plus, vous arrivez derrière alors que sans doute des employés sont en train de vider tout ce qui est poubelle et autres. Donc, les portes sont ouvertes et ils vous voient en mode « qu'est-ce que vous foutez dans la ruelle ?» quoi. C'est ici l'entrée ? Je prends un accent terrible. Non, madame, c'est de l'autre côté. Mais par contre, le club n'ouvre pas tout de suite. Là, on fait le nettoyage. Ah bon, d'accord. D'accord. Bon. Excusez-nous, on va... On se casse, on échoue. On reviendra. Okay. À quelle heure ouvre le club ? 21h. 21h, d'accord. Très bien. D'accord. Mm-hmm. Bah, merci. Désolé. Excusez-moi, ça recrute beaucoup par ici ? Si vous êtes une danseuse du ventre, oui. Ah, et moi, non, mais ma camarade ici présente... Je rougis. Oui. Très... Petite carrière aux États-Unis, effectivement, danseuse du ventre. Ah bon, pourtant, vous n'avez pas l'air typé danseuse du ventre, quand même, madame. Eh bon, peut-être pourriez-vous parler au patron, aller voir par la principale. Votre patron est là, du coup Sans doute, oui, il doit être à l'intérieur, je pense. Oui, bon, d'accord. Bah, on va aller le voir devant. Vous embêtez pas. Ouais, on s'en va. Bah ouais, du coup. On s'en va. Tablement à la première porte. Ok. Donc, vous repassez devant ? Non. Non, pas du tout. Okay. Non, on rebrouche chemin, mais du coup, c'était une tentative avortée. Ouais, on a échoué aux premières parties. Pas du tout discret. Du coup, on va pas aller au rendez-vous, c'est trop dangereux. Non, on va pas aller au rendez-vous. Par contre, ceci dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de s'armer pour la suite des événements ? Oui, mais on connaît. À Londres, tu connais des gens qui pourraient nous trouver des armes ? Une bonne question. Ouais, je ne pense pas. Non, ça me paraît pas très logique non plus. Non, mais Ralph et du coup Percival, peut-être qu'ils peuvent nous trouver des armes. Ils sont fait attraper, tu vas me dire. Mais... Ouais. Que faites-vous ? Je propose, Charlie, qu'on aille. On rentre à l'hôtel, puis il faut absolument que Percival et Ralph nous rejoignent pour qu'on puisse avancer, parce qu'on a besoin de plus de bras, je pense. Oui, de toute manière, on est bloqué et c'est trop risqué d'aller à la Fondation Pennyhouse, c'est trop risqué d'aller que tous les deux à la Pyramide Bleue. Ouais. On est un peu bloqué, mais au moment. Attendons les compagnons. D'accord. Donc, vous rentrez vers votre hôtel. Arrivé à votre hôtel, vous voyez dans l'encadrage de la porte la silhouette que vous reconnaissez maintenant avec son chapeau et son imper du lieutenant Kyle. Lieutenant. Et alors que vous passez à côté, vous faites à moi un petit peu de jet doc. Merde, il est décédé. Un échec, décidément. C'est une réussite. C'est une réussite. Effectivement, Elsa, tu t'aperçois que le lieutenant... a été mis comme ça, mais est décédé. Oh, putain, je crie. Et je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Putain. Ah, c'était sûr. Ok. Tué par un rond, si ça, c'est pas la pierre des morts. Je vous propose de faire vos compétences, par contre, parce que là, on arrive sur deux sessions, quand même. Donc, on va pouvoir... toutes les compétences que vous avez cochées, on va pouvoir essayer de les faire augmenter. Ok. Ah oui, parce que la dernière fois, on avait... Oui, j'ai effacé entre-temps, du coup. Je suis con. C'est de la dernière fois. Ok. Aïe. Je reviens à peu près... Donc, toutes les compétences que vous avez couchées, vous lancez et vous devez faire un échec. Ah, et bah, une réussite majeure sur côté. Donc, quand tu fais une réussite, tu ne gagnes qu'un des quatre dans la compétence. Ok. Deux. Et du coup, je fais une réussite majeure sur l'autre aussi. Et c'est une réussite aussi. Ah bah, décidément. Et quand, ouais. Quand vous avez donc fait vos coches, vous décochez bien sûr les compétences. Pour pouvoir les recocher pour les prochaines parties. D'accord. Okay. Quand on échoue, du coup, c'est combien ? Pardon, j'ai pas combien de dés ? Quand tu échoues, par contre, tu lances un des 10. 10. Merde. Oh. Dommage. Tac. Ok. Ah, fait. Ok. Ça augmente, c'est déjà pas mal. Oui. Et non, le reste, j'ai pas utilisé. Je crois qu'on utilise toujours un peu la même chose. Et on s'est pas battu. Donc... Et on s'est pas battu, ouais. Merde. Vous aviez l'occasion pourtant, si vous le souhaitiez. Vu qu'on ne sait pas se battre, c'est compliqué. Voilà, ouais, sans armes, c'est un peu galère. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, mieux que la dernière fois, on n'a pas perdu de PV. Ouais. On en a même regagné. On a stagné un peu, on était un peu bloqué. En plus, on s'est fait agresser. Quoi, donc... ouais. À deux, c'est compliqué. Hein. C'est ouais, bah, compliqué. C'est ça le problème. Parce qu'effectivement, on a plein de pistes. Mais d'où, d'où les jets de chance que je vous fais faire aussi pour les pistes. C'est-à-dire que quand vous êtes que deux, je donne des chances en fait, de s'en sortir un petit peu qui sont un peu différentes. Quoi. Ouais, je sais pas, ouais, on a senti que on était coincé, quoi. Enfin, qu'on pouvait pas trop avancer sans les autres. Bah, Penny, on aurait pu y aller, mais bon, c'est vrai que c'est. En vrai, voilà, c'est techniquement c'est faisable d'avancer sur les autres. Ouais, mais à quel prix ? Il y a ça et bah, après, ça veut dire aussi changer votre approche et donc changer votre roleplay et la façon dont vos personnages envisagent les choses. Quoi. Mmh. C'est vrai que là, du coup, on joue en sachant qu'ils sont potentiellement là. Donc, si on prenait en compte qu'ils étaient partout, on serait déjà allé au truc pénible. Oui, ouais, bah ouais. Mais vous avez quand même bien avancé. Hein. Il y a pas mal de trucs que vous avez trouvés, il y a pas mal de choses que vous avez faites. Vous avez explosé en plus des pistes annexes et autres. Vous avez récolté des informations. Moi, j'ai fait intervenir du coup la police aussi, un petit peu en mode bah, vous êtes que deux, donc potentiellement. Ça peut servir un peu de filet de sauvetage ou de personnage de remplacement. Oui, la police est avec nous. Ce genre de choses. Donc, bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Ah oui, c'était cool. Ouais, on sentait que c'était dangereux pour notre gueule. Qu'on a mis des pieds dans ce qu'il ne fallait pas trop, je crois. Non, mais c'est bien. En plus, on a trouvé le tableau. Ça donne des pistes et tout. En fait, ça, c'est qu'il y a plein de pistes à explorer. Mais ouais, c'est... me réfugie toujours derrière le fait que les autres vont arriver dans pas trop longtemps, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. On fait une partie à deux, la prochaine fois, on va au truc peigné, hein. Tant pis. Oui, bah oui, parce que de toute façon, on va pas passer des parties à deux à traîner dans le même coin et à rien faire. Sinon, on va dans l'autre enquête, mais c'est pas à Londres et tout, puis c'est encore une autre histoire, je crois. Parce que je sais qu'il y a des campagnes, des scénarios annexes et tout. Donc... Il y a des pistes annexes qui peuvent apporter des choses, qui peuvent ne pas apporter des choses. Il y a des trucs à explorer. Il y a pas mal de choses à faire. Oui, tu peux nous faire durer à Londres longtemps. Oui, il y a moyen de... Voilà. Il y aurait eu moyen de vriller sur d'autres campagnes aussi à côté, faire des trucs. Après, il y a des moyens de temporiser, effectivement. C'est vrai que le truc en dehors de Londres, ça peut être d'autres gens qui enquêtent et tout. Un one-shot, je sais pas. Ouais, tout à fait, au besoin. Et ça serait peut-être... Ça peut être une piste si on a encore des désistements sur les parties, quoi. Mais bon, j'aimerais bien avancer. L'exploration envoie sur une autre histoire, quoi. D'autres persos, je sais pas. Ouais, mais après, bon, je trouve ça dommage qu'on n'avance pas sur la campagne principale. Ouais, je suis d'accord, non, mais moi je suis sur la campagne, hein, clairement, mais c'est juste que si les autres ils sont pas là à chaque fois. Bah, normalement, là, prochaine partie, il y aura tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou au moins une personne de plus, il y aura Percival qui sera là. Celui qui se bat pas non plus, c'est parfait. la prochaine, c'est le 19, c'est ça ? C'est vendredi prochain. Ouais. C'est ça, tout à fait. Okay. J'espère quand même que c'est... C'était vraiment cool, hein. c'est vraiment bien. Moi, je cherche encore mon personnage, je ne l'ai pas vraiment joué de la même manière que sur la première session. Ah ouais. Ouais, mais après... Je sais pas, j'aimais bien cette histoire-là. Ouais, j'aimais bien, je trouvais qu'il y avait une bonne dynamique, il y a des bonnes choses. Le rom-com là et tout, c'était cool. Ouais, ça peut être un élément à pousser un peu aussi derrière, mais bon, je t'attends encore un peu... La dernière fois, j'essayais un peu de me mettre dans l'univers, dans l'ambiance et tout. Maintenant que j'ai un peu plus cerné le concept, c'est le personnage qui change. Puis c'est pareil, je l'avais imaginé un peu rat de laboratoire, mais au final, quand t'es à deux, tu peux pas te permettre d'en avoir un qui est trop... Tu peux pas te permettre de rester trop figé sur quelque chose. Donc... Là, t'es obligé d'être un peu plus touche-à-tout, c'est sûr. Ouais. Après, tu peux gérer quand même. Tu peux gérer beaucoup de choses en mode OK dans la partie à... Excusez-moi, dans la partie avec le Cthulhu, sachant que voilà, j'ai aussi essayé de mettre en place une relation avec la police qui pouvait vous apporter une puissance de feu que vous n'avez pas vous. Mmh. Oui. Ouais. Mmh. Bon, y a des choses à voir, il y a des choses à faire, hein, de toute façon, c'est suivant vos envies aussi. Mais... Voilà, voilà. Si on a une preuve qu'ils embarquent des gens et tout, la police, ils interviennent. Ah, mais ça peut être un truc, quoi. Ouais, c'est ça, il faut réussir à trouver le... Ouais, bah, soit vous embarquez, vous menez les trucs avec la police, enfin, il y a moyen de gérer plusieurs... Le mec est décédé, quoi. À New York, c'est ce qui s'est passé, et puis le flic, il est mort, quoi. Le flic est mort, mais par contre, vous avez quand même réussi à ramoter pas mal de policiers, ce qui vous a quand même aidé. Je crois que j'étais tombé à les pommes, non ? Je me souviens plus. En fait, avec tous les policiers qui sont arrivés, vous avez quand même réussi à détruire la créature. Mais c'est ça, on a fait. Mais je sais, il y a eu deux assauts en fait. Il y a eu deux fois où on est descendu dans la cave. Oui, tout à fait. Je sais pas si j'ai fait la deuxième en fait. Je me souviens plus. Ah si. Ou alors je suis intervenu au milieu parce que j'étais pas à la partie d'avant. Bref. Ouais. Non, mais il y a eu plusieurs choses, mais oui. Et puis le fait de détruire la créature, juste avec un groupe d'investigateurs, ça aurait pas été possible, tu vois. Oui. Oui, d'accord. Il y a des choses que vous avez quand même amenées. Et Martin Poole, il a été joué parce que c'est Percival qui était trop... Ah oui, Percival était blessé, du coup il a joué Martin Poole. Trop blessé pour jouer pour sortir de l'hôpital. En deux parties, quoi, en fait. Hmm oui, d'accord, ouais, je me souviens. Ouais, bah oui, bah c'est... Mais après, toute la partie Arkham, ça, j'ai pas fait, quoi. C'était... Non, toute la partie Arkham, tu l'as pas fait. C'est un truc que j'ai rajouté en plus, en fait. Annexe. Ok. Ouais.